la 6e salle du séminaire, nous accueillons Adé Anguéza et Marc Langlais. Anguéza est à l'école des mines et était un des tout premiers à s'intéresser à la performativité, pour vous le dire, des années 2000, qui a, avec Michel Calon, dans le cadre du Centre des mines, beaucoup travaillé sur la façon dont vous pouvez analyser cette question, vous pouvez appliquer la finance. Et puis Marc Langlais, qui est professeur à l'Open Business School et qui travaille également sur la performativité à partir de la déontologie. Et bon, le séminaire se poursuit avec l'esprit qu'on a indiqué au début, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément prédéfini et qui est destiné à proposer un débat et à engendrer des travaux de recherche. Donc c'est très interactif. Et on ne sait pas en fait avant, ex ante, ce qui leur résultera après, ex post. C'est un peu aussi l'exercice que l'on a entrepris de faire ici, avec Michel, qui est de regrouper des publics hétérogènes, à la fois étudiants, chercheurs et aussi professionnels, pour travailler sur le thème de la performativité, de la performation. Et ce qu'il y a autour, voilà. Et on continue au fil de l'eau, en avançant au fur et à mesure que les séances se construisent. Et après chaque séance, il y a un cahier de recherche qui publie le texte de la séance, c'est ce qu'on va essayer de faire. Le numéro 1, qui ouvrait le séminaire en octobre, est sorti. C'est le texte de Michel qui inaugure. Et après, selon ce que vous voulez ou non, chaque participant me propose un texte que l'on met après en ligne sur le site du séminaire, organisé donc par Michel et moi-même. Voilà, dans le cahier de recherche, je présente certains titres en bien. Voilà, donc c'est ça. Voilà. En couleur, c'est bien aussi. En couleur, il y a une chose. Alors c'est drôle, pour terminer l'introduction, c'est que vous voyez l'affiche qui était au palier du séminaire, qui est au-dessous d'une affiche où on voyait écrit le verbe c'est pécheur, c'était autre chose, mais finalement ça reste là. Voilà, que la parole c'est pécheur, c'est une parole performative, et finalement c'est quelque chose de comme correspondance entre l'aspect théologique et l'aspect épistémologique. Voilà. Bon, je ne sais pas. On a fait des grandes choses au cas où on est en train de faire. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup, Christian. Merci, Olivier. Merci à tous d'être ici. On est très heureux de pouvoir partager avec vous une recherche, plutôt qu'une recherche, un projet assez nouveau. On a sauté sur l'occasion, on a été un petit peu opportuniste parce qu'on a vu que. Ce séminaire associait trois thèmes, la performativité, mais aussi finance et éthique. Et c'est précisément sur ces terrains-là, sur le terrain de l'éthique en finance, que nous avons souhaité avancer dans ce projet. Alors, ce qu'on voulait vous proposer, c'était bon, d'abord de prendre le temps de vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on a en tête et qui nous sommes aussi, parce qu'on est un groupe un peu plus large que juste nous deux. Vous présenter le contexte de cette initiative et ensuite peut-être lancer le débat. Peut-être que si vous avez envie de lancer le débat avant qu'on ait fini de présenter tout cela, très bien. Donc voilà, ce qu'on est en train de faire est assez multiforme. Enfin, on fait plusieurs choses. On est en train d'écrire un papier qui s'intitule pour l'instant, c'est un titre de travail, vers une approche pratique ou pragmatique de l'innovation responsable en finance. Et le sous-titre, c'est reconsidérer les comités nouveaux produits. C'est un travail collectif qui se veut un travail à orientation de politique publique. C'est pas un travail de recherche à proprement parler, c'est un travail de réflexion et d'interrogation pratique sur l'innovation responsable en finance et sur comment mettre en pratique des idées d'innovation responsable dans un site pratique et pragmatique, c'est-à-dire dans un lieu. Et le lieu que nous avons choisi pour ancrer nos réflexions, c'est un lieu qui existe au sein des banques et qui s'appelle le comité nouveaux produits. En deux mots, à l'intérieur des grandes banques d'investissement, il y a un lieu qui s'appelle le comité nouveaux produits. C'est le lieu où une innovation financière au stade de design, nouveaux services, nouveaux produits, est considérée par un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes à l'intérieur de la banque, le front office, le back office, les ingénieurs, le risque, etc. C'est un lieu donc où une innovation au stade naissant peut être regardée et examiner à la lumière d'un certain nombre de critères. Et notre interrogation porte sur les critères et sur le fonctionnement de cette institution et sa relation potentielle et réelle avec un certain nombre d'idées d'innovation responsable en finance. Alors, si on a un rapport, juste pour le dire dès le début, avec la question de la performativité ici, il va être relativement léger, mais en même temps il va être important puisqu'il s'agit pas forcément de parler de performativité, mais de le faire, c'est-à-dire d'être quelque part performatif. Ce papier est juste une partie de notre activité, donc on a constitué un groupe de travail, c'est un groupe de travail pluridisciplinaire et pas seulement scientifique, il y a des praticiens aussi qui nous ont rejoints. C'est le Working Group on Responsible Innovation in Finance. Il est constitué donc de Marc et de moi-même, d'autres collègues. Stéphane Delacôte était anciennement responsable de la structuration de crédit chez BNP Paribas. Actuellement, il collabore avec la fondation de l'École des Mines. Nadège Jassot était jusqu'à très récemment à la Banque de France et elle a rejoint le Fonds monétaire international actuellement. Robert Armstrong est professeur de finance quantitative à l'École des Mines. Elle vient du monde des statistiques, de la géostatistique, mais elle a été très, très active dans la formation de d'étudiants de l'École des Mines qui ont rejoint ensuite les salles de marché des grandes banques d'investissement. Elle est très spécialisée dans la finance de projet, Project Finance. Yuval Milo est un professeur de comptabilité à la London School of Economics. Ceux d'entre vous qui sont intéressés par la question de la performativité de la finance peut-être connaissent déjà son travail avec Donald McKenzie. Daniel Benouza est aussi à la London School of Economics dans un département de gestion. Et Yamina Tajedin est économiste, elle travaille chez Economics. Ce groupe se rencontre de manière un peu informelle depuis déjà presque un an, je dirais, en réalité, parce qu'on a commencé à avoir l'été. Et ce groupe est aussi adossé à une initiative un peu plus grande, qui n'est pas encore suffisamment publicisée, parce qu'on n'a pas encore lancé notre site web, mais on est en train de développer au sein de l'École des Mines une nouvelle entité qui s'intitule pour l'instant Observatoire pour l'innovation responsable, Observatoire pour l'innovation innovation, dont l'ambition est d'être un petit laboratoire d'idées sur la question de l'innovation responsable, pas forcément en finance. La finance est le chantier de la première année. Je voulais vous raconter un petit peu juste deux mots sur cette initiative-là avant de nous lancer dans la discussion des idées sur lesquelles nous travaillons, parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous donner des clés sur la nature de projet. Alors, je m'excuse sur le caractère anglophone des transparents, on est juste opportuniste, parce que comme ça, nos co-auteurs peuvent lire ce qu'on raconte en leur nom. Et puis, comme ça, on pourra aussi, de manière efficiente et responsable, utiliser cette présentation dans d'autres enceintes et dans d'autres exposés. Voilà, un mot sur l'Observatoire pour l'innovation responsable. C'est une initiative de MIPARITECH que je dirige. Et dont le but est de débattre sur l'innovation. C'est une initiative qui est très inspirée des idées de Michel Camus, qui est d'ailleurs le président honoraire de cette initiative-là. L'idée, c'est de travailler à identifier des problèmes, à coproduire des idées sur la notion d'innovation responsable, à identifier des initiatives jugées remarquables. On souhaite mettre en place un prix sur l'innovation responsable. La première année, on se concentre sur la finance, sur l'innovation responsable en finance, avec une idée de responsabilité très très large. Ce n'est pas forcément une idée associée à la responsabilité sociale ou environnementale, mais l'idée est simplement de réfléchir à comment les innovateurs en finance peuvent se rendre responsables des effets de leur innovation. On est intéressé par l'idée d'externalité, surtout d'externalité négative, et on est tous bien entendu très secoués, remués par ce qui s'est passé avec la crise financière récente, c'est-à-dire un exemple massif peut-être de l'innovation irresponsable, c'est-à-dire de mise en marché d'un certain nombre de produits aux caractéristiques complexes qui ont eu des effets dévastateurs. La métaphore de la toxicité est utilisée par les acteurs eux-mêmes. C'est quelque chose qui nous intéresse. Comment réinterroger la notion de prise de responsabilité face à l'innovation financière? Voilà le chantier pour cette année. Et ce que nous disons parmi les logiques, c'est plusieurs choses. D'abord, une grande conférence. J'espère qu'on pourra publiciser cette conférence, le programme très prochainement. Une conférence qui associe surtout des acteurs de l'industrie, des régulateurs. What is responsible innovation in finance? Qu'est-ce que l'innovation responsable en finance? En novembre 2011. On met en place aussi un site web, j'espère qu'il sera en ligne assez rapidement, avec une publication à la Ligue de la Coste, la rédactrice en chef de Breaking Innovation, des bases de l'innovation, et le papier qu'on voudrait, sur lequel on est en train de travailler, un papier ouvert, collectif, avec une proposition de réflexion sur l'innovation responsable en finance, juste pour donner un petit peu la tonalité des idées qui semblent nous animer, même si on est en train de débattre, on n'est pas d'accord entre nous. Voici je me suis permis de citer l'entretien que tu as fait avec M. Caron, où il essaye de nous donner quelques idées sur cette histoire de responsabilité. D'abord, je pense que tu m'avais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire responsabilité? Et voici une idée, être responsable, c'est en effet être capable de répondre de ses actes, mais aussi de répondre à toutes les objections, toutes les inquiétudes et toutes les suggestions que suscite un événement, par exemple une innovation. L'innovation est responsable à partir du moment où elle est attentive à tout ce qui va être dit, exprimé comme inquiétude, comme suggestion à propos d'elle-même. On a eu ensuite à interroger Michel sur la question de la finance, et l'une des suggestions de Michel était la suivante: la constitution de forums au sein desquels l'innovation est exposée à une discussion entre les acteurs concernés s'est généralisée dans le domaine du nucléaire, enfouissement des déchets radioactifs, dans le domaine de la santé, participation par exemple des associations de patients à la recherche biomédicale, et dans les biotechnologies. On pourrait imaginer que ce procédé est similaire dans d'autres domaines comme celui de la finance. Quelque part, c'est le genre d'interrogation sur lequel on est en train de plancher un petit peu, et sur lequel on va essayer aussi de vous faire plancher un petit peu aussi. Donc on vous recommande, enfin on vous remercie par avance des remarques, des idées, des suggestions, des critiques que vous allez pouvoir nous lancer. Je rentre maintenant dans le vif du sujet. Cette idée bizarre de orienter la pratique de l'innovation financière vers une culture de la responsabilité en s'appuyant sur ce lieu. Un lieu qu'on connaît un petit peu, c'est le comité Nouveau Produit. Ce que nous allons vous raconter maintenant se décline en cinq parties. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va patauger de plus en plus. C'est-à-dire que quand on sera dans la partie 4 ou 5, on sera vraiment plus sûr de ce qu'on est en train de raconter. Donc le débat sera, j'espère, déjà ouvert. On est plutôt sûr surtout sur le début. Mais c'est bien, c'est un papier en train de se faire. Donc d'abord un mot sur qu'est-ce qu'on entend par approche pratique. Ensuite, un débat ouvert sur qu'est-ce que ça veut dire l'innovation responsable. C'est un débat que nous avons eu et qu'on souhaite restituer une partie de ce débat. Ensuite, vous parler un petit peu des comités de nouveaux produits, et voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont actuellement, et qu'est-ce que cette institution pratique peut avoir comme rapport avec l'innovation responsable. Donc juste un mot sur qu'est-ce qu'on entend par pratique ou par pragmatique. C'est vrai qu'on emploie le mot pragmatique à bon escient, en sachant qu'il est très fortement connoté du côté philosophique, c'est un côté qu'on apprécie. En même temps, on a une idée de la pratique assez large et ouverte. On est intéressé, interpellé par l'écart qui existe en matière de régulation financière, par exemple, entre le monde des principes, le monde des pratiques, le monde des règles, le monde de ce qu'on fait avec les règles, le monde des doctrines générales, des structures de régulation, des instructions, des guidelines, et le monde des pratiques, c'est-à-dire la conduite ordinaire, la conformité ordinaire, l'implémentation ordinaire et actuelle des régulations. les régulateurs et les praticiens se plaignent, font savoir de manière récurrente que d'abord il y a des textes, voilà, il est interdit de faire ceci, cela, et puis ensuite il y a la pratique. C'est que bon, on bouge quand même, on le fait, tout le monde est au courant, on contourne, etc. Alors c'est aussi là qu'on a vu le texte exprime un nombre de principes, mais qui ne font pas sens dans le contexte. Parce que le contexte de marché est suffisamment épais, riche et difficile à percevoir et à donner du sens. Et donc il y a cet écart du texte au contexte. Et donc tout l'enjeu d'une réflexion sur l'incarnation des principes dans les pratiques impose sans doute de se demander quels sont les lieux dans lesquels cet écart peut se réduire ou s'agrandir au contact. C'est vrai, cette notion de faire sens est très importante. Il y a des préconisations qui vont avoir un sens dans les textes de régulation, mais dans la pratique, quand on est banquier, quand on est au milieu de l'opération financière en salle de marché, ça n'a plus de sens. Une approche pratique, ce sera une approche qui va prendre en compte ce problème, le problème de l'implémentation, le problème du sens dans la pratique. Par exemple, en prenant soin de l'internalisation des préconisations de responsabilité dans la pratique concrète et en considérant l'élaboration de la normativité à l'intérieur de la culture financière, c'est-à-dire une normativité qui serait devenue habitude, on dirait, anthropologue de la culture. Alors, juste en complément, ça permet aussi de restituer cet écart, un autre débat qui n'est pas vraiment adressé, qui est l'écart qu'on trouve entre le discours sur la RSE en finance et la production très institutionnelle, très formelle et légale, d'ailleurs inscrite dans les textes réglementaires, de rapports sur le développement durable, la responsabilité sociale, environnementale, etc. Et puis, ce que ça signifie pour un opérateur de marché, d'agir de façon responsable, comme je le disais, face à son écran. Cet écart aujourd'hui est dans cette deuxième partie, hein, cet aspect pratique, donc contextualisé, dans le faire de la finance, c'est aussi quelque chose qui est très normé par les textes. Il y a un corpus déontologique extrêmement vaste qui essaye de corseter les pratiques et qui, paradoxalement, reste très, très en dehors du débat sur la RSE. Alors même que ces deux choses-là, en employant des outils différents, essayent de travailler au moins partiellement la même chose. Voilà, on s'interroge à toutes ces questions-là de manière un peu théorique, on a des débats un peu conceptuels, mais aussi on s'intéresse à l'encastrement, à l'incarnation concrète de ces pratiques-là. C'est vrai que la notion de pratique aussi se rattache pour un certain nombre d'entre nous à la notion de pragmatique, de pragmatisme. Comme vous le savez sans doute déjà, en tant qu'habitué de ce séminaire, la notion de performabilité est très vivement associée au mouvement pragmatisme en philosophie. Quelque chose de pragmatique, c'est quelque chose de pratique, quelque chose de faisable, tout simplement, dans le sens un peu ordinaire du mot, mais c'est aussi quelque chose qui est lié au point de vue développé, vraiment dans le sens par James Peirce Dewey, d'autres philosophes continentaux aussi peut-être, c'est-à-dire une idée dans laquelle le sens, la vérité du sens, est soumise à un test ordinaire. On va entrer dans ce débat-là parce que c'est des débats terriblement difficiles et passionnants. Mais on va juste signaler qu'on ne souhaite pas, enfin, on ne souhaite pas prendre trop de distance avec cette lignée philosophique-là qui nous paraît très, très intéressante. Et qui est parmi les projets des sensibilités diverses au sein du groupe. Oui, voilà. C'est aussi ce qu'on dirait d'organiser un trading zone, une zone de négociation possible. Parce que ce qu'on a souhaité précisément, c'est garder ensemble toute la variété de notions qu'on pouvait mettre en avant sur l'innovation responsable. C'est un concept extrêmement polysémique. Il est déjà polysémique dans d'autres domaines, dans le domaine biotechnologique, nanotechnologique. La notion de responsible innovation est vraiment utilisée dans des domaines politiques publics. Elle est en débat. Il y a des débats. Nous, on n'a pas ignoré ces débats-là, mais on a voulu aborder la question d'une manière assez fraîche, avec des repères philosophiques, et on a essayé de lister un certain nombre de manières de comprendre, de manière parfois contradictoire, de comprendre la notion d'innovation responsable en confiance. On va commencer par peut-être quelque chose qui est la plus proche du point de vue des économistes, la notion de fonction, pour un certain nombre d'économistes sur ce coup, donc aussi de praticiens de la finance, la notion de innovation responsable se traduit au travers d'une autre notion qui est la notion de fonction. Une innovation responsable serait en finance une innovation qui respecte les fonctions de la finance pour l'économie. Les textes canoniques ici, c'est les textes de Robert Singleton et de William Singer, c'est des économistes qui développent ce qu'ils appellent une functional approach to financial innovation. Bien sûr, ces économistes partent d'une préconception, c'est-à-dire que la fonction de la finance, et surtout la fonction légitime de la finance, qui est déjà arrêtée. Financement de l'économie, couverture de risques, etc. On écarte de cette recette de responsable les fonctions de la finance qui ne respecteraient pas cette doctrine. On écarte par exemple une fonction qui existe dans la pratique. Une fonction de la finance, c'est ramasser de l'argent, par exemple. Ça, c'est une fonction très fonctionnelle, ça marche très bien parfois, et très pratique. On l'écarte de la liste de fonctions légitimes pour le fonctionnement de l'économie. Donc en fait, les préconditions pour l'efficacité de cette vision fonctionnaliste du débat, on a un petit peu discuté sur ça, c'est effectivement le fait que le débat sur qu'est-ce qui est légitime ou pas comme fonction de la finance doit être clos déjà. Il faut quelque part une vision zénitale, une vision extérieure et supérieure, surplombante, une autorité morale ou scientifique ou morale qui va déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Dans les visions qui, quelque part, se rapprochent de cette doctrine-là, la régulation financière doit apparaître comme un acteur extérieur. Qui ressemble à un économiste, en fait. C'est un économiste désintéressé qui serait prêt à signaler les fonctions optimales de la finance pour l'économie. De ce point de vue, on peut faire référence à la déclinaison des procédures, des directives européennes qui organisent les marchés de façon désintéressée, entre guillemets. Qui définissent qu'un marché c'est quoi ? C'est un marché qui est à la fois concurrentiel et qui en même temps protège le consommateur. Deux grands principes sur lesquels les marchés européens sont aujourd'hui organisés depuis 2007. Donc une vision très désincarnée et fonctionnelle de la responsabilité de la régulation. Une autre vision qui a aussi besoin d'une vision d'un acteur surplombant et autoritaire, mais qui est informée différemment du point de vue philosophique, serait une vision focalisée sur les règles morales, sur la doctrine morale. Une innovation responsable, selon ce genre, cet ensemble d'idées, en finance, c'est une innovation qui est autorisée au regard de principes moraux supérieurs. Et bien sûr, ici, la référence de choix, c'est l'impératif catégorique de Kant, mais c'est aussi des règles morales qu'on retrouve aussi dans la pensée confucéenne, dans la religion ancienne égyptienne, etc. Ne fais pas ce que tu ne souhaites pas que je te fasse, etc. etc. Donc, il faut une règle de type ancien qui soit introduite dans la code culturel et qui soit accompagnée d'un appareil social qui sanctionne les conduites des humains. Dans la pratique, ce genre de vision de l'éthique, enfin de la morale, donc une notion très morale de la responsabilité, requiert une autorité régulatrice solide et une rigueur dans les principes moraux. On retrouve aussi ce genre de vision ancienne dans les idéaux de solidarité, de réciprocité qui peuvent animer parfois les discours qui informent les mesures de responsabilité sociale ou environnementale. L'idée de réparation, ça qui est l'idée du carbon offset of setting, je suis désolé de le dire en français, ça commence à se rouiller un petit peu, carbon offset. Remédiation dans l'achat de carbone, ou de carbone, fait partie de cette idée. C'est une vision qui convoque aussi ce problème aussi vis-à-vis de la pratique, qui est l'extériorisation de la règle morale. Il faut une instance supérieure, un principe supérieur commun, comme dirait certains sociologues parisiens. Et du point de vue de la finance, il faut une autorité extérieure, une police de la finance. et cette police de la finance, si vous voulez l'incarner, serait par exemple la commission des sanctions de l'AMF, qui, de temps à autre, statue, certes à partir des règles, et c'est une commission qui passe son temps à expliquer qu'elle ne fait pas la morale. Il se trouve que quand on regarde les discussions des décisions de sanctions de l'AMF, on parle de morale. Et M. Lavetoul, qui est donc le président de cette commission, pour bien comprendre que quand il a lu, digéré et qu'il remâche et resserre dans des textes qui ont valeur réglementaire. Une troisième focale qui nous paraît aussi intéressante simplement parce qu'elle existe, c'est une focale qui n'est pas très différente, mais qui met l'accent sur l'internalisation des valeurs. Donc, il y a quelque chose de d'ancien dans cette idée-là, mais l'accent est mis sur comment le sujet, comment la personne perçoit son idée d'une innovation responsable en finance serait propre d'une idée, d'une innovation qui est responsable parce qu'elle est faite par des agents qui sont responsables, qui ont des valeurs morales intrinsèques. Si l'accent est mis donc dans une vision plutôt pluridienne de l'éthique, du point de vue sociologique, c'est vrai que la littérature abonde sur cette idée de l'intégration des valeurs. C'est le thème classique de la sociologie hegelienne et marxienne. Du point de vue pratique, c'est vrai que les démarches en vue de responsabiliser la finance sont truffées aussi d'initiatives qui collent bien avec cette idée-là. Par exemple, l'accent qu'on peut mettre dans l'éducation. L'éducation, c'est la manière de socialiser, d'intégrer des valeurs au sein du sujet. Sans on est un policier à chaque fois que quelqu'un agit en finance, il suffit juste de préparer mentalement les financiers du futur. L'exemple qui me semble le plus remarquable, et ça c'est un intérêt personnel parce que je m'intéresse beaucoup à l'éducation des affaires, en ce moment je fais un projet de recherche sur ça, c'est comment par exemple l'école de commerce de Harvard, la Harvard Business School, a développé ce qu'ils appellent le MBAO, c'est-à-dire introduction dans le cursus de Harvard d'un serment déontologique pour les étudiants qui vont jurer, qui vont faire le lien, etc. Et c'est une démarche qui a été développée en partie par personne qui est très importante à Harvard, qui est un sociologue, Rakesh Khurana, spécialiste de la littérature en intégration morale, c'est quelqu'un qui connaît Durkheim, et qui du coup a co-développé ce genre de rituel d'intégration morale qui permet d'instiller des valeurs au fond même du sujet par le dispositif d'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup en ce moment les écoles de commerce notamment. Aux États-Unis, mais aussi en France, j'ai vu passer des débats sur la crise et la faute aux masters qui ont fabriqué des petits loupards, amateurs de risque, etc. Il faut responsabiliser depuis le jeune âge à la finance en créant des dispositifs pédagogiques à l'école. Il existe des exemples de compréhension de la notion d'innovation responsable qui passe par cette idée d'internalisation des valeurs. On s'écarte de plus en plus d'une vision surplombante de l'innovation responsable, c'est-à-dire une vision qui requiert un être supérieur qui va guider ou sanctionner la conduite depuis l'extérieur de la pratique. Quand on s'approche par exemple de démarches qui sont plus intéressées par la focale des conséquences agrégées de l'action. Pour un certain nombre de commentateurs et de praticiens, une innovation responsable en finance est une innovation qui va considérer les effets de sa propre diffusion. On a moins de besoin de principes supérieurs. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir en termes de dépendance au sentier, d'externalité négative, de tipping point, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe dans un monde, par exemple, où j'utilise un modèle de tarification pour des financiers, et je ne prends pas en compte le fait que le fait de la réflexivité, le fait que si tous les acteurs se mettent à utiliser le même modèle, les effets agrégés vont être différents. L'état du monde va être transformé. On est en plein dans les grands discours de commentaires sociologiques autour de la modalité flexible de la société du risque, de l'UCLEC, Anthony Giddens. C'est la thématique aussi un petit peu de la performabilité, des conséquences non intentionnelles de l'action intentionnelle. Robert K. Merton, le père, sociologue des self-fulfilling prophecies, était le père d'ailleurs de Robert C. Merton, le financier. Et ces visions-là sont présentes dans des débats actuels sur la régulation scientifique des marchés, c'est-à-dire comment les modèles, model-based regulation, peut remédier, mais en même temps causer des catastrophes financières. Je pense qu'on est assez près des réflexions qu'ont pu mener, par exemple, des auteurs, des praticiens comme Taleb, mais aussi des écrits de Christian, je pense, qui communiquent beaucoup avec ce genre de débat sur les effets de ces lumières. L'usage créatif et excessif des mathématiques. Voilà. D'une part, des bonnes mathématiques pourront remédier à ce que des mathématiques mauvaises ont fait, mais en même temps, même si elles sont bonnes, elles vont générer un état du monde différent, etc. Donc ici, l'idée, c'est qu'on est face à une problématique de remédiation par la science qui peut en plus faire l'effort réflexif de prendre en compte les propres effets de la science. Et ça, c'est aussi une manière d'envisager la responsabilité dans l'innovation financière, c'est-à-dire être dans le forecasting, être dans l'amélioration, mais aussi dans la précaution sur les effets réflexifs des modèles. C'est peut-être très demandant, demanding du point de vue pratique, parce que ça demande de plus en plus de distance réflexive sur les pratiques mathématiques. Je passe au suivant. Toutes ces visions, on va essayer aussi de les interroger à l'aune de la loi. Une autre vision très très différente, à mon sens, à notre sens, je pense, d'innovation responsable, c'est une vision qui va mettre l'accent sur la notion de responsabilisation, enfin de attribution de accountability. C'est la personne responsable, c'est celui qui répond d'eux. Donc de quoi, de qui, devant quoi, devant qui. C'est une perspective très, pour le coup, léninienne. C'est le fait d'être capable de dire à un moment, surtout quand ça va mal, cette fois-ci c'est pour moi. Et de lever la main, j'étais là, c'est ma chose. Oui. Donc, selon ce genre de grille d'analyse, une innovation responsable en finance est une innovation pour laquelle le responsable peut être identifié, aussi peut être s'auto-identifié, peut être identifié en tant qu'auteur de l'innovation. Mais dans une problématique philosophique, comme le dit Marc, le répondant, c'est la notion lévinassienne, et aussi la notion de la signature, que tu évoquais aussi dans nos discussions, des êtres qui sont signés par les auteurs. Donc on peut tracer la paternité des innovations, et donc ça c'est une manière de construire la responsabilité, surtout dans des cas où la paternité elle est un peu monstrueuse. C'est la question du Frankenstein. Sachant que ces problèmes d'attribution sont évidemment aujourd'hui extrêmement prégnants dans des contextes de marché très fragmentés, de plus en plus fragmentés, de plus en plus réintermédiés, parce qu'il y a une succession d'intervenants en fait, qui relient l'opérateur à la structure d'échange. Et tant et si bien que, bon, c'est un peu cette idée de position distribuée à la Hutchins, que c'est parfois difficile même pour l'innovateur de savoir quelle est la part qui lui revient. Et qu'il y revient comme un boomerang parfois quand ça compte pas fort. C'est vrai que dans la pratique actuelle en finance, il y a des dispositifs qui relèvent de ce genre de vision. Sarah Banks-Roxley, une révélation assez récente, contribue à la création d'une culture de la signature. Maintenant, dans certaines banques, établissements qui sont compliant, les gens s'amusent à imprimer à chaque fois les emails cochés avec un geste manuel, vu, c'est signé, c'est pour ma banque s'il se passe quelque chose. Donc, si vous mettez quelqu'un en prison, ça va être moi. Et on va payer les gens pour être faire le boulot de tout signer à la fin de l'année. Il y a une culture de la traçabilité au niveau individuel des décisions pour pouvoir très vite éviter les situations dans lesquelles quelque chose se passe qu'on ne puisse pas dire ben, c'est la faute à personne, ça s'est passé tout seul. Il y a toujours une liabilité. Michael Power, un sociologue de la comptabilité et de la notion de public society, aussi pour se référer à la structure aussi de la traçabilité individuelle. C'est de rendre auditable la chose en question. Ce qui est une tendance qui qu'on retrouve beaucoup, de plus en plus, même dans nos pays continentaux, comme Tyler Scan. C'est-à-dire, si on peut démontrer qu'on a tous les documents nécessaires, par exemple, à ouvrir le compte d'un H1 qui serait le paiement par lequel certains flux un peu étranges manquent de justification, la dernière fois, avoir les documents, ça suffit à se. La version négative, c'est ça permet de se dédouaner. La version positive, c'est justement est-ce que le fait d'être compliant, c'est suffit pleinement à assumer cette avant dernière option aussi qui nous a paru important dans la lecture de notre conversation, c'était aussi une vision qui serait plus orientée vers une idée de précaution, dans le soin, dans la précaution. Une innovation responsable en finance serait une innovation qui est faite avec un filet de sauvetage. Et ici, la référence empirique que nous avons aussi souvent évoquée, c'est la référence biocène, la question de la pharmacovigilance. L'innovation biomédicale se fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des tests pré-marketing, post-marketing. Il y a aussi toute une technologie de configuration du marché comme un site expérimental, c'est-à-dire qu'un médicament peut très rapidement être retiré du marché, c'est le product recalling, le retrait de produits. Et c'est rare qu'on puisse avoir en finance une vision comme ça. Mais on peut imaginer une réflexion qui est montée autour de cette précaution biosanitaire sur la toxicité des produits financiers. Du point de vue philosophique, on a beaucoup discuté aussi sur des alternatives philosophiques qui seraient moins corsées mais plus pragmatistes précisément, autour du travail par exemple de Spinoza, pour lequel les notions de bien et de mal seraient moins intéressantes que les notions de bon et mauvais, c'est-à-dire des notions qui se rapportent à la dose du poison, qui peut être un médicament s'il est administré en petite dose, et s'il est administré en grosse quantité. Quand William a des écrits aussi comparables sur la question de la maladie, quand est-ce qu'on est malade, est-ce que ce n'est pas une question de dose ou de du point de vue des pratiques courantes en finance, on serait plutôt près de réflexion en termes de ratio, de précaution, de seuil à ne pas dépasser. On n'a pas trouvé l'exemple un peu sauvage de responsable de l'innovation qui aurait retiré du marché un produit quand ça a commencé à exploser en cours de route. En 2007, un certain nombre de banques ont commencé à déclarer forfait sur le marché et la dette pour être capitalisée. Mais voilà, on a quelques exemples peut-être à creuser sur des innovateurs qui diraient bon voilà, on va lancer une innovation, on n'est pas sûr qu'elle soit responsable, donc on va commencer par petite dose, on va juste commencer avec un grand contrat ou un contrat moyen, tu vois, pendant un an pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc on est dans l'incertain, on n'est pas dans le. On fait du principe de précaution, on va agir sans connaissance des effets, mais on va agir en sachant que notre action devra être réversible si les choses vont mal. Donc c'est de lier le principe de précaution non pas comme quelque chose qui vient contre l'innovation, au sens où on entend parfois dans les débats que le principe de précaution empêche l'innovation, bien au contraire, c'est la précaution au sens qu'on peut toujours faire marche arrière. Donc c'est une vision qui est peut-être plus pratique pour le coup. Puisqu'il s'agit de s'assurer des portes de sortie au cas où. La dernière focale qui nous paraît aussi très importante à retenir, c'est la focale de la démocratie, avec des discours qui associent très directement responsabilité en innovation et démocratie. Dans tous les textes qui ont travaillé la notion de responsible innovation, c'est des textes qui parlent de gouvernance démocratique de la science, démocratie délibérative, de participation du public dans l'innovation biosanitaire, dans l'innovation nucléaire, etc. C'est toute la littérature sur les conférences de consensus, sur les deliberative polling, sur tous les dispositifs en France, la commission du débat public, des dispositifs de considération des points de vue informés, mais pas forcément des points de vue académiques. C'est l'introduction de ce que certains auteurs ont appelé lay expertise, c'est-à-dire des profanes savants, des profanes qui sont tellement concernés qu'ils deviennent acteurs carrément de la réalité de leur propre innovation. Les exemples les mieux connus en France, de mon point de vue, c'est par exemple les études de Michel Clermont, par exemple, sur l'Association française des biologistes, qui est une association de patients, qui a de valeur, qui a un poids notoire dans la construction de la politique en thérapie génique en France. La notion de forum hybride nous paraît intéressante. Un forum hybride, c'est une assemblée où toutes les stakeholders, les parties prenantes, les parties affectées, les parties concernées, les parties intéressées, pas les parties qui sont concernées, mais pas intéressées, les parties intéressées vont pouvoir débattre, s'emparer des sujets, donner des avis, être écoutés. C'est le thème aussi du voice qui est très présent dans les commentaires en sociologie politique américaine. J'ai entendu qu'on met dedans aussi des parties qui d'habitude ne parlent pas. C'est ça, oui. Je suis étonnée que vous n'ayez pas fait référence à Habermas. Oui, c'est ça. Ça rentre complètement. C'est le débat. Alors, c'est vrai que dans ce genre de débat, il y a effectivement plusieurs écoles. Mais la démocratie dialogique, oui, c'est toutes ces thématiques-là qui sont convoquées. Habermas a des choses à dire sur ces thématiques-là. C'est vrai que c'est moi qui ai écrit les slides, donc il faut m'ennuyer un petit peu, Habermas, ouais. Mais parce que je suis un peu fainéant. Non, je pense que c'est très important. On entend un petit peu parler de ça, de stakeholder, dans The Voice, dans l'innovation financière, pas énormément. Est-ce que les innovations financières sont débattues par les parties concernées? Elles le sont, mais par un certain nombre de parties concernées. L'innovation va être débattue par le back-office, qui est très concerné, le front-office, le département de risque, les juristes, peut-être le marketing, des avocats, etc., les déontologues, peut-être aussi. Mais est-ce qu'on va inviter des investisseurs à se prononcer, à regarder comment est conçue une innovation? C'est pas. Bon, il y a des modèles. Il y a des modèles dans les model banking, dans les banques coopératives, des modèles de démocratie participative qui seraient peut-être intéressants. En tout cas, après, par exemple, en social environment, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, il y a des principes. Moi, je ne connais pas très bien, mais j'ai regardé récemment. Toi, tu le connais beaucoup mieux que moi, les Equator Principles, par exemple. Très intéressant parce que c'est des mesures de l'impact sociétal, mais aussi ça inclut aussi des dispositifs de consultation avec les parties prenantes. Quand le Crédit Agricole va financer un grand projet de barrage en Chine et compliant avec ces principes-là, il faut faire des consultations avec les populations locales, avec les indigènes, comme c'est par exemple en Amazonie. Et c'est vraiment un dispositif qui prend en compte ce genre de choses. Donc voilà aussi un terrain qui nous paraît intéressant. Alors cet exercice était un exercice un petit peu sophistique, mais on a toujours eu envie d'avoir en tête les lieux où ce genre de vision pourrait être testé. Il y en a plein en finance. Notre travail, peut-être qu'on a été un peu long dans cette exposé, notre travail c'est d'aller creuser, sans dévaloriser l'une et l'autre, le potentiel, ce qui se passe actuellement dans la pratique et comment ça pourrait être tout cela traduit, implémenté, performé dans la pratique. Et ici, le lieu réel que nous voulons attaquer, c'est le comité nouveau produit. Alors, qu'est-ce que c'est le comité nouveau produit? Peut-être que je ne vais pas trop faire. Donc en fait, les comités nouveau produit, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, on aurait pu regarder d'autres lieux, mais c'est un lieu intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est les comités qui existent depuis très longtemps, mais qui ont une reconnaissance institutionnelle tardive. Et quand on regarde un peu les textes réglementaires qui instaurent ces comités, justement, ils instaurent tout sauf un comité. Le texte cardinal, c'est le fameux service 4702, pour les spécialistes qui vont faire dans la salle, c'est un texte sur le contrôle interne. C'est un texte qui définit qu'est-ce que c'est que le contrôle interne d'une entreprise. Avec son crédit ou d'un précédent siège d'investissement. Dans ce texte, qui a été écrit, en fait, c'est la traduction française de Sarah Nostré, hein, à tous les gars. Dans ce texte, il y a ce petit paragraphe que vous avez là qui explique que les entreprises assujetties doivent mettre en place des procédures spécifiques pour s'assurer de la conformité incluant notamment des procédures de d'approbation systématique, qui inclut notamment une trace, une signature d'une personne responsable, en l'occurrence compliance officer, ou une personne que le déontologue a désignée, sur les nouveaux produits, les nouvelles activités ou les nouvelles modifications sur des produits existants. Il va de soi que cette obligation réglementaire, on parle donc de mettre en place des procédures systématiques. La plupart des établissements de la place de Paris ont réaffecté cette obligation au comité, parfois ça s'est appelé un peu différemment, et les ont, on va dire, modernisées. Donc on a depuis 2005 ces lieux qui existent. Les données en fait, sur lesquelles on travaille ont été tirées pour l'essentiel à la fois de quelques années d'observation dans au moins deux sites, donc un holding bancaire et un courtier. Et puis de l'autre côté, on a donc Stéphane qui lui aussi a pris part, et donc, président je crois d'un comité de produits au sein de la BNP. Donc on a des sites très différents pour observer ces objets qui existent dans des institutions qui parfois n'ont rien à voir. Le comité de nouveaux produits d'un courtier fait des choses très différentes du comité de nouveaux produits d'une banque d'investissement ou d'une banque de réseau. Je vais expliquer un peu juste après. Donc ces comités, à quoi ça ressemble? Ça ressemble en fait à des lieux d'expression qui se réunissent autour de l'innovation, qui agrègent les parties prenantes, alors les parties prenantes internes à l'entreprise. Comme le disait tout à l'heure Fabien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, dans les comités de nouveaux produits un certain nombre de choses. Il y a généralement un président qui appartient au top management, une personne qui a accès au pouvoir s'il n'exerce pas lui-même. Il y a des membres permanents qui sont généralement donc les métiers concernés, front office. Ensuite, vous avez le risque, les juristes, la déontologie, le contrôle permanent, le bac et le middle office. Et puis le département de finance. Et puis en fonction de l'innovation qui est discutée, l'innovation ça peut être par exemple la mise en œuvre d'un nouveau dérivé complexe, ou d'offrir un accès aux clients à un nouveau marché, ou entériner une transaction, eh bien il y a des membres qui acquièrent ponctuellement de légitimité de participer à ces comités. Et tout cela est organisé par un département. L'organisation du comité revient au département de l'organisation, qui assure en fait le secrétariat de. Donc, on a en fait dans le papier, on va développer plusieurs cas. Moi, le cas, je prends juste un cas pour juste illustrer. C'est un cas très basique qui est celui qu'on peut observer chez un courtier, typiquement l'accès à un marché. Ça ressemble en tout point à un comité de project management. Donc c'est vraiment, il y a un kick-off meeting, une réunion à laquelle tout le monde est invité. Il y a une présentation de PowerPoint qui est distribuée, qui décrit les spécificités du marché. Par exemple, si vous voulez un accès à Chypre, il faut connaître les règles, les spécifications techniques, les horaires de négociation, la robustesse du clearing, un ensemble d'éléments techniques qui peuvent être d'ailleurs qui connaissent différentes gradations, et les personnes concernées, donc le trader, l'analyste financier, le vendeur, le contrôleur, l'informaticien, vont tous dire, eh bien moi, je vois tel problème, je vois tel champ ou tel lieu de questionnement à parcourir avant que l'on puisse vendre cette prestation. Donc ça c'est pour la première réunion, et puis après il y a des sous-groupes de travail qui se mettent en place, exactement comme quand on fait une management projet, jusqu'à arriver à un état décidé suffisamment pertinent pour entériner cette innovation et la valider. En fait, la grande différence, en fait, la spécificité du comité de nos produits, c'est que c'est un lieu dans lequel on construit la légitimité de l'innovation. Et cette construction se font traduire par la signature. Puisque à la fin du comité, celui qui valide en fait, l'accès de l'innovation du de state design à l'innovation vendable, qu'on peut disséminer sur le marché, via la signature, c'est-à-dire que il y a une signature qui est vraiment matérialisée, lorsque j'ai pu observer que c'est fait de façon électronique, qui est ensuite archivée et qui est ensuite auditée. Auditée en interne, mais aussi en tant que vous avez l'AMF qui peut faire des missions de contrôle ponctuelles sur la place pour regarder qu'est-ce que les établissements ont mis en place comme procédure pour valider l'innovation. Et pour, on va dire que ces comités de produits, en fait, c'est un peu des points de passage obligés pour reprendre un vocabulaire calvinien. La validation, le point de passage obligé, c'est la signature après une discussion. Voilà, donc ça c'est un type de comité de bons produits qui doit par ailleurs assurer la mise en œuvre du le follow-up, c'est-à-dire à échéance de 3 ou 6 mois, on regarde ce que l'innovation a généré comme conséquence, quels ont été les problèmes, est-ce que les problèmes ont été résolus ou pas, etc. Dans les deux autres cas que je ne détaille pas, on peut parler d'un autre cas par exemple, dans les banques d'investissement, très souvent ce qui se passe, notamment sur les métiers de structuration, le comité de produits ressemble davantage à une entité qui se réunit non pas ad hoc en fonction des besoins, parce qu'à un moment vous avez un vendeur qui a dit voilà, j'ai un client qui peut accéder à Chypre, il faut qu'on ouvre un accès à Chypre. Vous avez à l'inverse, dans les banques d'investissement, parfois des structures qui se réunissent à fréquence. Régulière, tous les trimestres, tous les semestres. Et donc il y a une file d'attente. Il y a des dossiers qui s'empilent jusqu'à la date du comité de produit où on valide des transactions qui n'ont lieu qu'une fois. Pour un client particulier, dans un cas spécifique. Et le comité est là davantage un comité d'approbation pour un produit qui n'aura d'existence que ponctuelle. Vous voyez bien la différence qu'il y a par rapport à l'accès technique, technologique à un marché qui a vocation à rester, le marché de la faillite, à rester, à s'inscrire dans le temps et dans l'espace. Là, on peut avoir des comités de nouveaux produits qui statuent sur des transactions. Ça, c'est passé, je l'ai dit. Donc là, vous avez la description succincte de ces comités. Si le deuxième à retenir, c'est que ça ressemble vraiment à la gestion de projet. Et puis, la spécificité, c'est cette question de la signature. Puisque, certes, le comité est dirigé, est présidé par un membre du management, très souvent, mais pour avoir participé quand même à ces comités, quand vous avez une mail qui dit voilà, maintenant, il faut signer. Vous faites une sorte de main de conscience en me disant bon sang, est-ce que j'ai bien tout vu, étant entendu que très souvent vous mettez les pieds dans des lieux qui est très difficile de cadrer. Une connaissance particulière de la réglementation chypriote ou d'un domaine d'acquisition dérivée, hein, parce que la personne qui participe évidemment sollicite ce qui lui vient, sa documentation, mais c'est parfois, c'est un processus qui est un processus réflexif de complexe. Quelques minutes maintenant pour commencer à conclure ou ouvrir le débat peut-être. Alors dans nos discussions, effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que les comités de produits intuitivement nous ont paru des endroits de prise de responsabilité dans certains nombres de sens qui nous ont intéressés. C'est des endroits qui nous ont parlé. Il y a très longtemps, l'un d'entre nous faisait une enquête aussi dans les back-office d'une grande banque d'investissement parisienne. Et il y a fait découvrir cet outil-là, les comités de produits, et c'est tout, tiens, c'est des forums hybrides, comme l'aurait dit Michel Perron, sauf que pas tout à fait. Mais en tout cas, les personnes de cette banque avaient carrément une version presque démocratique de quand ils parlaient de leur comité de produits. Donc voilà, c'est un endroit où on débat, c'est un processus délibératif, etc. C'est un endroit de signature, c'est un endroit où les innovations sont considérées sous tous les angles possibles, etc. Sur la décision d'aller de l'avant et de l'esprit. Ça, c'est la vision un peu idéaliste des comités de nouveaux produits. Effectivement, dans la pratique, on s'est rendu compte que ces institutions-là, même si elles sont très sommairement et vaguement et commençaient d'être évoquées dans certains textes de régulation en France, en réalité, nulle part, il est marqué, il faut que les banques aient un comité de nouveaux produits, et que les comités de nouveaux produits soient régulés comme ça, avec tel type d'accès, tel type de procédure, etc., etc. Ça n'existe pas. Enfin, à notre connaissance, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un premier pas intéressant, ce serait vraiment de mettre en valeur, mettre l'accent sur l'importance de ces institutions-là, pour qu'elles soient rendues plus explicites dans les textes qui décrivent les pratiques de l'économie. Et que ce que j'ai décrit est effectivement un cadre assez idéal, que le comité ne sert pas simplement de chambre d'enregistrement. Ce qui peut être le cas, parce que c'est un lieu aussi de reconfiguration des pouvoirs, puisque chacun a la parole. Ceux qui ne s'expriment pas souvent, parfois, essaient d'apprendre, mais au moment où ils apprennent, il n'est pas rare de s'affacher par plus gros question. Ça dépend aussi de la culture interne à chaque banque. Il y a des banques dans lesquelles des nouveaux produits va servir à quelque chose d'autre. Ça va être, comme tu dis, une chambre d'enregistrement. Est-ce que les comités des nouveaux produits sont inclusifs? Est-ce qu'ils sont ouverts? Quelles sont les parties prenantes qui participent? Pour l'instant, on s'arrête vraiment à des parties prenantes internes à la banque. On n'a jamais vu un comité des nouveaux produits qui inviterait un observateur extérieur. Du point de vue pratique, on parlait de la pratique tout à l'heure. On peut voir l'intérêt que cela pourrait avoir en termes de principe. Inviter un observateur, ça peut être un panel citoyen, ça peut être un investisseur, ça peut être un régulateur. On voit dans la pratique le genre de problème que cela pourrait soulever, c'est-à-dire de transformer le comité de nouveaux produits en un théâtre pour faire plaisir à l'invité de service. Bon, c'est des questions qui méritent d'être posées parce qu'il y a des formes d'inclusion d'un regard au sein du comité de nouveaux produits qui peuvent être intéressantes sans forcément faire venir tout le monde à l'intérieur. On se pose ces questions-là. Qui peut soulever des questions, qui peut prendre des décisions? Pareil, il va y avoir aussi des questions qui peuvent être qui peuvent relever de la culture interne. Il y a des banques plutôt autoritaires, où il y a aussi des analyses très très très sociologiques, un petit peu dans le sens d'un sociologue comme Olivier Gaucho pourrait défendre. Dans une banque, il y a une asymétrie entre le front office et le reste. Et c'est pas une tâche que de dire que tout le monde a envie de faire plaisir au front parce que tout le monde a envie d'être dans le front. En tout cas, la question du back-office se passe souvent comme ça. Il y a des banques qui vont dire, qui vont faire exprès d'avoir une vision un peu plus équilibrée des choses et dire voilà, on va quand même protéger le back-office. Le back-office a un pouvoir, a une parole, etc. La culture interne de la Société Générale a souvent été. Voilà, il y a une charte interne dans les centres de marché où on dit les protège le bac de la force des valeurs. Comment les risques et les externalités sont considérés? Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être creusé. Quels sont le genre de simulations de l'avenir du produit qui sont produites à l'intérieur du comité de nouveaux produits? Alors, comme on l'évoquera peut-être tout à l'heure si on a le temps dans les préconisations, c'est vrai que les comités non reproduits ont tendance à être des institutions one-shot, c'est-à-dire qu'elles ne se dotent rarement d'une continuité, c'est-à-dire du pouvoir de revérifier en prenant rendez-vous dans un an, dans quelques mois, etc., pour faire un monitoring, pour faire une surveillance, et une fois qu'il est déjà lancé dans le marché. On pourrait dire, voilà, on ne peut pas simuler le comportement futur du produit, on peut reprendre rendez-vous pour voir qu'est-ce qu'il en est et éventuellement décider d'un retrait. Étant entendu qu'en fait, ce que tu dis là, c'est justement la façon dont les jours se passent d'un point de vue réglementaire et théorique, il y a du follow-up, du monitoring. Mais les contraintes, à la fois matérielles et parfois la non-volonté des participants de regarder de nouveau dans un truc qu'ils ont déjà vu et dont ils savent que ça marche, du moins ils ont l'idée que ça marche, fait que ce suivi passe quand même assez souvent à la trappe. Comment est-ce que les informations sont gardées? C'est vrai que le comité de contrôle peut se doter d'une mémoire quelque part. Est-ce qu'il y a cette mémoire organisationnelle des décisions prises, des engagements faits, aussi des manières dont on a décrit les produits? La description des produits financiers, c'est quelque chose de très très important. C'est des produits parfois difficiles à décrire. On va décrire quelque chose comme du equity alors que c'est de la dette. Bon, il y a tout un jeu de la description. Est-ce qu'on peut par exemple considérer ces comités de contrôle comme des librairies de description du nouveau cycle financier qui seraient peut-être à un moment donné rendues publiques quelque part? Ça, c'est une question qui nous intéresse. Pourquoi on parle de comité de nouveaux produits? On sait que dans la pratique financière, il y a des innovations financières qui passent parce que l'un des innovateurs a dit « Mais ça, ce n'est pas un nouveau produit, c'est juste une déclinaison du CDO, du Collateral Debt Obligation, alors que c'est un produit quand même avec des structures très différentes, etc. » Donc, décider qu'un produit, on va l'appeler nouveau ou pas, c'est aussi un enjeu compliqué. On pourrait imaginer que les comités de nouveaux produits, c'est juste des produits et que tout est relativement nouveau. Dès qu'il y a une modification avec un comportement potentiellement différent de la structure initiale, ça se passe en ce moment avec des produits très très compliqués qui sont très calqués sur ces produits de dettes comme les CDOs, les contingent convertibles, c'est des produits qui sont en train de prendre le jour là en ce moment. Comment on va les décrire au sein des établissements? Est-ce qu'on ne va pas peut-être dire non, mais c'est pas nouveau, c'est juste un bon convertible un petit peu amélioré, ça va, c'est pas... Il y a une question qui se pose sur la question de la nouveauté. Cette question-là, on la retrouve dans le public sur les choses complexes, mais aussi sur les produits très simples, parfois. On a des cas pour lesquels il y a un comité de nouveaux produits pour créer des algorithmes. Donc on crée une suite d'algorithmes, 4 algorithmes, et on les valide. Et puis un an après, finalement, on se rend compte qu'il y a 15 algorithmes qui sont nés depuis. On dit, mais c'est un algorithme, on en a déjà parlé. Ouais. Sauf qu'il se trouve que parmi ceux-là, il y en a qui ne sont pas autorisés sur certains marchés, et donc ça génère parfois des... Pareil, on s'est posé beaucoup de questions sur comment la question de la déontologie, de la compliance est intégrée à l'intérieur des comités européens. Alors le déontologue, le compliance officer, qui est une personne attitrée au sein de l'établissement bancaire pour surveiller, pour explorer les questions déontologiques, est présent dans le comité des produits, mais au titre de quoi? Est-ce qu'il est plutôt au service de la banque, au service des régulateurs? C'est assez compliqué de positionner le rôle presque en tant qu'entité éthique du compliance officer à l'intérieur de la banque. Donc on se pose des questions aussi sur ces questions. Alors, juste peut-être un point d'ordre, je voudrais peut-être m'adresser aux organisateurs parce que c'est vrai qu'on a préparé d'autres slides pour continuer notre navigation, mais je vois qu'on a dépassé le temps imparti. Si vous voulez, on est ouvert à une sanction. On peut ça dépend aussi de si. C'est un peu comme on est à petit nombre depuis, c'est dans une discussion assez ouverte. D'accord. Je vais continuer. Parce que là, on est dans la partie vraiment prospective. Ce qu'on a essayé de faire dans la suite de notre exposé, c'est effectivement de prendre toutes ces questions-là et d'essayer de les confronter aux principes d'innovation responsable qui nous ont. C'est pas très excitant, si tu peux nous allumer une mousse. Entre le tirer le rideau déjà pour faire des économies d'énergie. On a présenté les principes et le lieu de test. Dans la suite, c'est une fois qu'on a pris les principes, qu'on les a passés dans la machine du comité de profit, on essaie de regarder ce qu'on trouve dans. Ce qu'on peut faire, en fait, aussi, parce que j'ai peur que certains peut-être soient un petit peu déjà fatigués, parce qu'on a parlé pendant une heure, c'est qu'on va passer les slides de manière très très rapide. Voilà. Et qu'on pourra venir sur le slogan, comme ça, on essaie de vous faire un choc avec. Voilà, précaution, hein, ça s'indique clair. Ce qui suit vraiment est un débat, c'est un débat qui est entre nous, mais maintenant, du coup, je pense que c'est aussi entre nous. Si on prend la focale sur la fonction dont on avait parlé, la vision mertonienne de la chose. Quels seraient les incentives, les incitations pour qu'à l'intérieur de ce comité de l'entreprise, il y ait une explication et une justification publique de la fonction de l'innovation? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette explication doit s'adresser par défaut à un observateur externe, à un public externe? Est-ce que la publication de ce statement, d'un statement qui dit que nous, comité nouveau produit, pensons que la fonction de cette innovation, c'est celle-ci, celle-là, ça, avec le laboratoire de quelques mois, on peut le rendre public sur le site de la banque, ça serait même un artefact de marketing, à mon avis, puisque toute cette histoire de responsabilité avec les gens qui sont dans la salle, c'est aussi des questions de marketing. Focale, conscienne, focale sur les règles morales. Est-ce qu'il n'y aura pas un moyen de réfléchir au renforcement du rôle du compliance officer, du déontologue au sein de cette assemblée? Je dis surtout pas. Ah, 35 ans pour le truc, je dis surtout pas. Voilà, ça c'est un débat intéressant. Je pense que l'une des questions qui se pose, c'est pour une vision qui met l'accent sur la règle morale, c'est la métaphore ecclésiastique, effectivement. C'est pas la première fois que ça s'est fait. Le compliance officer peut être vu comme un prêtre, mais est-ce qu'il appartient à une église? Est-ce que l'église, c'est la banque ou c'est le régulateur? C'est une question qui peut être posée. Focale sur l'internalisation de valeurs. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des manières d'instituer des habitudes du comité de nouveau produit, par exemple, à travers cette idée de la prise de rendez-vous constant, de la régularité constante de ces institutions-là? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un moyen de mettre en place cette figure-là, le comité de nouveau produit, à l'intérieur des hardware cases, sur des cas qu'on enseigne dans les écoles de commerce. Je ne sais pas si ça existe, à mon avis, je n'ai jamais vu passer. C'est vraiment un mot assez codé, le comité de nouveaux produits. Focal sur les conséquences agressives, c'est-à-dire une vision de la responsabilité de l'innovation qui tient compte des effets, des externalités, des impacts, etc. Ici, je pense que la question qui se pose, enfin, on a débattu de ça, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un engagement à une prise de rendez-vous périodique qui va permettre de s'assurer d'un suivi? Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que la prise en compte des impacts, c'est vraiment des impacts sur la banque, quand on est à l'intérieur du comité nouveau produit, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un comité nouveau produit externe basé chez Nadège Chassot, par exemple, chez nos amis régulateurs, qui précisément ferait le miroir en disant voilà, on va étudier les impacts pour l'économie du monde. Focal sur la traçabilité, la accountability. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fortifier cette prise d'engagement des personnes qui participent au comité nouveau produit? Une application personnelle, c'est-à-dire d'attachement des personnes qui participent au produit au comportement de l'innovation. Lier la signature de l'innovation à la rémunération des participants de l'innovation financière, c'est une idée qui peut être intéressante. Il y a des banques qui innovent en ce moment en essayant d'utiliser les contingent convertibles pour les lier au bonus. C'est peut-être une piste à cause. Focal sur la précaution, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le comité nouveau produit parle de l'innovation aussi de sa dose, c'est-à-dire qu'il y a toujours un débat qui doit être fait sur le caractère quantitatif de l'innovation, et peut-être aussi ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire sur le modèle de la pharmacovigilance, c'est-à-dire sur la possibilité de monitorer le comportement d'une molécule dans le marché, quitte à pouvoir très rapidement utiliser un réseau de pharmacovigilance qui va sonner l'alerte. Finalement, focal sur la démocratie, démocratie, comment impliquer des parties concernées à l'intérieur du produit? Est-ce qu'il y a des moyens d'imaginer la participation du public? Est-ce qu'il y a des moyens d'imaginer au moins la formation du public? Voilà pour nos débats actuels. espérant que la version lisible de ce papier existera dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent peut-être. Et voilà, on a prévu de diffuser ce genre de droit. Voilà, donc questions, commentaires, critiques, remarques, je sais pas. Vu que vous avez une approche pragmatiste, la validation pragmatiste avec la communauté d'enquête, c'est essentiel de savoir quelle communauté d'enquête on prend. Et donc moi je suis étonnée que vous mettiez la démocratie en dernier, parce qu'en fait la communauté d'enquête qui est partie prenante de cette enquête-là, c'est fondamental dans l'approche pragmatiste. Et du coup ça pose énormément de questions, c'est-à-dire que quand vous dites est-ce qu'il faut au moins l'information pour le public, moi, ça me paraît, ces nouveaux comités, nouveaux produits, qui appartient à ce comité, nouveaux produits, c'est essentiel, c'est le point de départ, et ça apparaît en dernier. Et du coup, moi, j'aurais mis très, très au-dessus, et j'aurais beaucoup plus fait une réflexion, beaucoup plus sur ça, en fait, déjà à la base, qui participe à la validation pratique de cette question-là. Et du coup, ça, à mon avis, si on réfléchit, bon, moi je suis en gestion comme ça, mais si on réfléchit sur la chaîne de valeur, vous, au niveau de nouveaux produits, vous êtes très sur le design, vous dites que vous avez l'allégation des conséquences, mais un produit, c'est un cycle de vie, il y a tout le cycle de vie du produit. Et si vous partez de la communauté d'enquête et si vous faites avec une approche plus chaîne de valeur, il y aura la question de temporalité, que c'est essentiel en pragmatisme et qui apparaît un peu secondaire dans votre approche, notamment sur la question court-termisme ou long-termisme. Je ne l'ai pas vu beaucoup parler des impacts à quand la temporalité, c'est quand même très important. Ouais, merci beaucoup. Il y a plein d'éléments dans ta remarque. peut-être quelques idées. Oui, alors c'est vrai, la démocratie apparaît en dernier. Alors c'est vrai que la structure qu'on a décidé de mettre en valeur, c'était une structure dans la trame était la suivante. Passer d'une vision surplombante ancienne vers une vision plutôt pragmatiste. C'est-à-dire commencer par une vision très peut-être monothéiste, quelque part, pour finir avec une vision beaucoup plus immanente, beaucoup plus spinoziste, etc. C'est un pari de navigation. En fait, l'idée c'est d'être assez ouvert, de prendre toutes les visions possibles. Bon, le fait que la démocratie apparaisse en dernier, c'est pas dévalorisant. Au contraire, c'est peut-être on garde le mieux pour la fin. Ouais, mais moi, je vais être un problème méthodologique parce que si vous prenez une approche pragmatiste, le pragmatisme dans la façon de générer du savoir, c'est au travers d'une enquête. Alors, une enquête qui doit... on n'est pas tout à fait pragmatiste parce qu'on l'enquête, oui. En réalité, oui et non. L'enquête qu'on est en train de faire n'est pas une enquête où on va parler avec des enquêtés. Les étudier et ensuite revenir chez nous pour écrire notre papier. La méthode qu'on utilise pour écrire ce papier, c'est juste discuter dans un cercle d'un groupe de travail qui implique plusieurs personnes qui sont en prise, qui participent à des comités, nouveaux produits, etc. Et qui est un cercle on essaye aussi de l'élargir, pas trop parce qu'il faut quand même écrire un papier à la fin, donc si tout le monde commence à taper sur le papier comme ça. Mais l'idée, c'est effectivement d'intégrer aussi des retours pratiques. Et par exemple, cette idée qui consisterait à radicaliser une approche démocratique du comité de produits, elle se heurte de beaucoup. Voilà, des soucis pratiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire venir des idées qui sont intéressantes, par exemple, faire venir à l'intérieur du comité de produits comme en démocratie délibérative, faire venir des panels d'investisseurs, de producteurs, d'employés de la banque, etc., qui vont jouer le rôle de répondants, par exemple, d'instance extérieure à laquelle le comité est tenu d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette innovation, etc. Ça, c'est une idée radicalement démocratique, mais dans la pratique, ça va peut-être transformer le comité de l'Opodis si ce n'est pas fait avec attention en un espèce de théâtre un peu maoïste. Un complément de réponse, en fait, par rapport à la justification de la déclinaison en fait, des visions, c'est aussi qu'on parle là d'un objet qui a une existence, mais si on. Enfin, réglementairement parlant, il n'existe pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que avoir une approche qui est d'abord surplombant, qui parle des principes, etc., et qui est aboutie par la démocratie, c'est aussi quelque part traduire le fait qu'on est dans l'ordre d'une configuration ou d'un dispositif, plus exactement, qui a une existence principielle. C'est-à-dire que dans les principes, on y va, il faut des procédures pour faire qu'il y a quelqu'un qui signe à un moment. Mais, comme disait Fabien tout à l'heure, on n'a pas encore trouvé de texte, on n'a pas vraiment encore regardé des textes étrangers. De ma connaissance, il n'y a pas grand chose, en tout cas, de qualification d'un dispositif qui existerait et qui serait déjà démocratisé dans son existence réglementaire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que tu dis là, mais voilà. Mais pour la partie, parce que la question sur la temporalité, sur la partie de la démocratie, est-ce que tu aurais des propositions, des manières de... Moi, je voudrais citer des exemples justement pragmatiques d'innovation financière de ces 20 dernières années où on a en fait des gradations de démocratie, en tout cas de préparation, et qui, à mon avis... Moi, je peux dire un mot pour qu'on se présente quand on ne se connaît pas, pour savoir en fait de qui... Alors, moi, je suis prof assistante à HEC Paris, en compta contrôle, et je suis spécialiste de l'investissement socialement responsable, j'étais analyste sur les marchés. Alors moi je suis un praticien retraité de la finance et enseignant à mes heures perdues, nombreux d'ailleurs, et également spécialiste de l'ISR, praticien d'ISR. Pardon ? Enseignant ici ? Non, j'étais vacataire dans différents endroits. Voilà, et praticien de l'ISR depuis, enfin, pour des 5-6 dernières années. Donc voilà, j'ai traversé pas mal de situations et d'innovations, et j'ai des exemples où en fait, dans les marchés financiers, il y a eu des innovations notamment spontanées. Avant qu'on ait la réforme des produits financiers, dans les débuts des années 80, le marché interbancaire avait créé un truc qui s'appelait les BOL, billets en négociable, qui était en fait une génération spontanée de certificats de dépôt avant que la réglementation existe. Après, il y a eu d'autres choses comme les contrats futurs pivot, qui sont donnés sur les bords, qui au départ aussi ont été une génération quasi spontanée. Il y a eu des cas de figure où l'État, en France, avant d'émettre des obligations comme les obligations tech, les obligations ATI, a fait un tour de place, a fait une concertation pour voir ce qu'il y a de la demande, est-ce que ça correspond, etc. Donc c'est un deuxième degré. Après, il y a un troisième degré de trucs professionnels où on explique un petit peu les choses avec quelqu'un, par exemple, des titres subordonnés quand ils sont arrivés dans le marché, ou entre professionnels, il y a une innovation, une incitation, une initiative d'un certain nombre d'établissements, mais un effort de formation assez important vis-à-vis des investisseurs institutionnels, des asset managers qui allaient acheter ces produits. Après, il y a une génération de produits qui sont appelés les options exotiques, qui ont donné lieu à des produits structurés auxquels les clients ne comprenaient strictement rien, dans lesquels en fait le client achète quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'il croit être. Et pour finir, vous avez cité les CDO, etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une question que vous n'avez pas du tout mise en transversale dans votre propos, c'est il y a dans l'innovation financière un risque d'asymétrie d'information qui peut être colossal, comme dans les CDO, qui peut être géré de manière préventive à travers des processus de consultation, etc. Et donc ça va rejoindre la question, quelle est la motivation et toutes les innovations financières ne poursuivent pas le même but. Il y en a qui sont pour réellement recréer une dynamique de marché, offrir un service financier, ça va rejoindre nos propos économiques, l'utilité économique, et d'autres qui n'ont d'autres fonctions que de recréer une asymétrie d'information pour reconstituer des marges au profit du système bancaire. Je rappelle quand même qu'en 2007, le système financier générait 40% des profits totaux de l'économie. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas parler de responsabilité de l'innovation financière si on ne rattache pas ça à ce caractère complètement démesuré de la profitabilité des établissements financiers par rapport à l'économie totale. Non, ça c'est, enfin, je pense que c'est tout à fait exact. Je pense que j'aurais tendance à lire cette remarque, la dernière partie de votre remarque, comme une invitation à prendre en compte effectivement une analyse extérieure plus de la pratique et de dire voilà, la finance est irresponsable parce qu'elle est basée intrinsèquement sur l'usage de la symétrie d'information et parce que voilà, il y a une apporté au gain qui est naturel au monde de l'innovation financière. Comment rendre responsable cette innovation parce qu'elle seule ne pourra pas le faire, de l'extérieur avec une prise de pouvoir policier sur la finance qui va sanctionner les dérives et interdire la fraude européenne et pallier à la symétrie d'information. C'est aussi une façon de réintroduire la question de la finalité qui va très bien avec les questions sur la traçabilité éthique et autres. Alors, c'est vrai que ça, du point de vue de dans la traduction pratique de ça, la culture bancaire elle-même ne va pas aller vers ça, c'est la culture de la disparition. c'est, du point de vue de l'encastrement pratique de ce genre de dispositif, si on se réfère au comité de nouveau produit, il faut un commissaire politique à l'intérieur du comité de nouveau. Et par exemple, le déontologue dont vous avez parlé, il est perçu au sein de la société de gestion et d'établissement financier, il est perçu comme un facilitateur. C'est-à-dire c'est la personne qui va rendre la chose possible, qui va se faire l'interprète du régulateur pour dire voilà ce que vous faites là avec un chausse-pied, ça on va pouvoir le présenter au régulateur, on ne va pas pouvoir. Et accessoirement, c'est pour ça que j'ai fait des remarques en forme de boutade tout à l'heure, ça devient, par son rôle facilitateur, ça peut devenir un lieu de pouvoir qui donc est en plus mal perçu par les innovateurs. J'ai tendance à penser que historiquement, ces manières d'essayer de contraindre le monde de la finance ont existé, peuvent exister à nos jours, etc. Ils ont toujours eu comme réponse un surplus de créativité de la profession financière pour savoir comment, comme dans l'industrie des molécules synthétiques à but récréatif, il y a des molécules, on ne sait pas s'ils sont illégales, la bromomescaline, c'est une drogue, c'est un hallucinogène très, très puissant. Il est pour l'instant pas illégal parce que les régulateurs ne sont même pas rendus compte que la molécule existe. Pareil pour la finance, il va y avoir des efforts de créativité, c'est des contournements, etc. Alors, c'est vrai que, juste pour finir cette remarque, j'ai l'impression que la crise qu'on vient de subir a fait en sorte, mais ça c'est juste une hypothèse, qu'à l'intérieur de la culture bancaire, il y a beaucoup de professionnels qui ont été très effrayés, presque humainement, de ce qui s'est passé, et qui pourraient à un moment donné s'embarquer dans une aventure qui serait une aventure endogène de construction d'une police interne, d'une culture de la responsabilité intérieure. Parce que maintenant, on sait mieux qu'avant que ces dérives-là, ça ne va pas augmenter les gains, les asymétries des financiers, ça peut aussi détruire l'industrie financière. Alors, quand on est à l'extérieur, moi, c'est pareil, l'industrie financière, mais les gens qui en vivent, peut-être, sont plus intéressés par la subsistance de leur industrie. Pour aller dans le sens de Philippe Fabian, j'ai au moins deux exemples de personnes qui étaient front office, donc un trader front propre et un vendeur, tous les deux ont décidé de démissionner, alors même qu'on ne leur demandait pas, demander aux gens autour d'eux de partir avec un chèque, mais là, ces personnes sont elles-mêmes ont démissionné pour prendre un poste justement de neurologue. Et en fait, ça matérialisait un engagement. C'est vraiment ce que tu dis, c'est cette frayeur que Stéphane m'a parlé de façon d'une façon ou d'une autre. Elle est encore, alors c'est évidemment des cas très rares, on va dire, vraiment d'un moment de masse, mais c'est la trace d'une réinternalisation, d'un réengagement. Qui est aussi une définition de la fiabilité. La responsable, c'est celui qui dit cette fois-ci c'est pour moi. Sur le point sur la déontologie, je pense qu'une des difficultés aussi avec cette fonction-là, c'est que si on reste dans le champ, on va dire, bon, français sûrement, européen peut-être, en tout cas la partie continentale, c'est une fonction qui est toujours en cours de professionnalisation, et une fonction très jeune, c'est en comparaison de ce qu'on touche à. Et donc, pourquoi je dis ça, c'est que c'est une fonction qui est plus que jamais, du fait de cette situation institutionnelle de moins en moins avec les sciences, mais quand même, qui est très très très dépendante du contexte organisationnel. Même dans des contextes identiques, c'est portage ou investissement, on trouve des gens qui se disent déontologues ou compagnons, etc., mais qui font des choses extrêmement différentes. Avec un degré d'engagement là aussi, qui est tributaire de l'organisation et du lien privilégié ou pas que la personne responsable a réussi à tisser avec le management. C'est une fonction, comme vous le dites, qui peut servir à contourner la règle, ou du moins à de l'avenir intelligemment. C'est une fonction aussi, on trouve des personnes qui sont malades parce que c'est pas que dans le texte, c'est rien. Donc, il y a une position créative, non créative aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'à l'intérieur des professionnels de l'industrie des services financiers, on peut entendre des voix qui vont carrément aller dans le même sens en disant j'ai vu ce qui se passe, la seule solution, c'est que les régulateurs, pour une fois, s'emparent de la situation. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas, etc. Ils ne savent pas ce qu'on fait. Ils sont trop derrière nous, il faudrait qu'ils puissent nous contraindre plus. Une asymétrie d'information entre voilà. Régulateurs et... Il y a des praticiens qui vont dire ça, et qui vont je pense qu'on est dans un moment culturellement intéressant qui pourrait aller vers une innovation défendue par les praticiens de la finance qui irait dans des sens intéressants. Après, il y a des banques comme la Nef ou Banca Etica en Italie qui, elles, quand elles créent des produits, c'est le système économique social, s'intéresse aux besoins, à la réponse aux besoins. Ce qui est un peu dans votre fonction, qui est un petit peu différente aussi. C'est-à-dire, je pense que c'est peut-être un driver intéressant. Est-ce qu'il y a un vrai besoin pour le produit qu'on va mettre sur le marché et il répond aux besoins de qui? Et on retourne sur les problèmes de comité d'enquête. Mais ça, je ne sais pas si c'est dans votre fonction, un peu. C'est une question qu'on s'est posée, en fait. Moi, il m'a été assisté à des comités dans lesquels, au bout de deux séances, le président du comité dit « Bon, mais ça sera quoi, ce qu'on fait ?» Est-ce qu'on sait, alors, en l'occurrence, la question sous-jacente, c'était « Combien ça va ramener ?» Et donc, on fait venir le pauvre type qui dit « Ah, je veux absolument qu'on fasse un comité là-dessus. » Et qui dit « Ah bah, ouais, en fait, je n'ai pas de clients pour ça. » Donc, paf, exit le comité de vos produits. Donc, cette question du besoin, aujourd'hui, elle est effectivement très... C'est une vision qui n'est pas du tout, à mon sens, intégrée dans le dispositif. Parce qu'à la Massif, moi je travaille à la Massif, pour les nouveaux des produits d'assurance, notamment il y a des produits d'assurance qui ont été développés pour les chômeurs, qui voulaient être auto-entrepreneurs, et en fait, ça, c'est les sociétaires qui ont fait remonter le besoin. Et ça peut être intéressant. C'est mutualiste. Mais bon, bien sûr, je ne dis pas que c'est inintéressant, ouais. Mais c'est pas neutre. Non, c'est pas neutre, mais on parle de responsabilité. Je pense que ce qui est intéressant, mais aussi qui est une source de soucis pour ces approches-là, c'est qu'effectivement, il y a des occasions pour avoir une idée très, très claire de l'innovation responsable en fonction des besoins, des services, enfin des fonctions, des services clairement. Et du coup, ça localise la responsabilité dans des poches un peu marginales de l'industrie financière. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, il y a un produit spécial pour les chômeurs, et ça veut dire la responsabilité. Les autres produits, les normaux, voilà, ils sont commission. Ils sont pas. Ces manières de reléguer la question de la responsabilité aux marges, c'est-à-dire la rémédiation, petit truc qu'on fait en plus avec un résultat, ça laisse de côté le fait qu'on puisse penser à un CDO. Ou un continuum convertible qui est fait de manière responsable. Je ne suis pas complètement d'accord, parce que, par exemple, les mutualistes, ils sont très gros aujourd'hui, parce qu'ils sont répondu à des besoins qui n'étaient non satisfaits par des acteurs capitalistes. Aujourd'hui, la Massif, c'est, je sais pas, combien, 6 millions et demi sociétaires. Et à la base, c'était pour répondre à des besoins qui n'étaient pas satisfaits. Mais c'était pas marginal, Est-ce que les mutualistes, quand ils développent un produit structuré, vont avoir des critères de responsabilité aussi. Ben, ça va faire partie de l'assureur, moi je connais que l'assureur, mais je pense qu'un Banca Etica ou un INEF, quand elles font son comité niveau 2, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais ça m'étonnerait qu'elles se mettent sur un CEO ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Ce que je peux voir, c'est un mutualisme qui n'est pas mutualiste que le nom. Donc, dans ses origines, ça me semble différent. Mais effectivement, c'est un lieu. Je sais pas, mais c'est juste un truc que je mets. C'est que je mets dans votre fonction. Parce que ça a été quand même tout le driver de l'économie sociale qui s'est dit responsable de répondre à des besoins à un mouvement coopératif et tout. Cela dit, je me pose la question. Alors, je connais mal tous ces. C'est pour ça qu'on travaille en groupe. Sinon, chacun ne pourrait pas comprendre tout ça. Les parties un peu techniques et mathématiques, c'est pas tout mon truc. Mais je me pose la question suivante. Il y a quand même dans la crise récente financière des acteurs qui relevaient un petit peu d'engagements sociaux, des mutualistes, municipaux, machin, tout un truc, qui répondaient à des besoins et qui sont allés piocher dans des produits. Alors, c'est quand même une instance, par exemple, une municipalité qui s'engage, qui est contrôlée avec du coup des commissaires politiques au sens noble et étymologique du terme, et qui vont se retrouver aux prises avec des objets financiers qui ont été construits d'une manière qui n'était pas, forcément, qui ne prenait pas en considération la. Si on prend Madoff, la responsabilité de Madoff, c'est des fondations. Si on prend aussi Lexia. Non, mais c'est juste la question du besoin. Pierre Delarmina, je fais ma thèse au Centre Maurice Alvax à l'Université de Reims sur l'évaluation des gérants d'actifs. Et sur la question de municipalité, j'avais entendu que justement les banques, les élections en particulier, proposaient au maire quelque chose qui permettait de réduire la dette de la collectivité jusqu'au prochain mandat. Et que le produit structuré faisait qu'en fait la question se posait au mandat suivant. Donc on allait recommander un nouveau produit. Quand on était à nouveau élu pour pouvoir continuer ainsi. Alors, je vais compléter, s'il vous plaît, on voit que les ORT qui ont été mises par l'État français, obligation autonome de trésor des ORT, étaient calculées à l'époque pour que le remboursement, c'est-à-dire pour une fine, pour une fine, soit fait par le gouvernement suivant. On va dire précisément. Effectivement, même avec les acteurs qui ont une vocation responsable, on a quand même des sociétés qui sont censées être responsables, elles sont habitées à l'intérieur par des individus qui eux-mêmes ont des trajectoires et des carrières individuelles. Peut-être qu'on n'a pas laissé sans réponse la remarque sur la temporalité, qui était aussi une thématique importante du point de vue pragmatiste, mais aussi dans la discussion. C'est une vraie question, c'est-à-dire que l'innovation financière est envisagée souvent selon un modèle un peu presque balistique de la temporalité, où il y a une idée de génie qui est projetée dans le futur, on fait une simulation, puis on la lance, etc. Et il n'y a pas de reprise de rendez-vous, il n'y a pas de réversibilité du temps, alors que dans la pratique, la question de temporalité se pose. Il y a la question de la... On va parler un petit peu avec... Oui. Je l'ai pas mentionné dans les slides, mais avec Hans Jonas. C'est le pendant de la réflexion de Jonas sur la stabilité. La stabilité, c'est ça. C'est l'inclusion de la dimension temporelle dans la définition même du... Ça, c'est une question ouverte. Dans les corrélats pratiques qu'on peut imaginer, il y a cette idée aussi de mettre vraiment entre parenthèses la notion de nouveau dans le comité nouveau produit, c'est-à-dire d'intégrer dans les dispositifs même cette idée de continuité d'innovation, c'est-à-dire de réinterrogation des effets. C'est aussi une manière de sortir aussi du rêve de la prévision absolue, c'est-à-dire qu'on va... La portabilité des résultats. Voilà, être dans un... Oui, c'est ça, c'est on va modéliser un produit, on va imaginer son comportement dans le futur, on va se planter, c'est assez empiriquement validé, c'est que les choses se passent autrement. Donc, quoi que faire ? Rester présent, accompagner l'innovation, recaler son comportement autant que possible en fonction de comment ça se passe en milieu naturel, in the wild, dans la nature. Et rester présent, c'est encore une métaphore, une métaphore d'expression qui traduit l'engagement. On pourrait peut-être lister dans l'histoire des catastrophes financières tous les objets financiers dont on ne peut peut-être pas retrouver la trace exacte de qui l'a inventé, qui l'a mis sur le marché, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il va bien. Ça, c'est une question intéressante. Effectivement, interroger la timeline, interroger la ligne du temps dans l'évolution de l'innovation responsable et comment le collectif qui prend soin de cette innovation et qui en prend la responsabilité s'engage dans le temps, ça c'est une question cruciale. D'où l'idée de reprise de rendez-vous, de réversibilité, de mémoire institutionnelle de l'évolution du produit et aussi de publication de cette mémoire aussi. Nous pensons que c'est quand même une idée assez intéressante d'imaginer que une certaine partie des choses qui se disent à l'intérieur du comité de vos produits peuvent être rendues publiques et discutées dans un public élargi. C'est peut-être pas renversant à 100%, mais c'est un droit d'obligation où en fait la trace de la délibération qui avait lieu dans ce comité est publiée, mettons, dans un délai de 3 à 6 mois après sa mise en œuvre sur le marché, parce qu'il faut bien une réserve d'avantage concurrentiel ou autre. Mais avec un format qui serait très précis, imposé par le régulateur, et qui obligerait, quelque part, un petit service, c'est le premier avec qui obligerait l'institution à s'approprier l'objet. On sait bien que ce qui est fait, ma foi, c'est pas forcément très convaincant toujours, ça a été utilisé pour le marketing, etc. Mais il y a une trace, ça existe et ça suscite éventuellement, pas partout, mais dans certains lieux aussi, des réflexions, des comportements, etc. Ça s'est un peu passé en ISR, puisqu'il y a un label qui est sorti, donc c'est une boutique qui a demandé que tous les portefeuilles soient publiés, les lignes des portefeuilles des fonds ISR pour prouver. Et du coup, Friend of Theirs, qui est une grosse ONG de banque track, s'en est saisi cet été, a pris tous les portefeuilles et a été déballé ça sur les médias, sur la presse et tout. Et c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est parce que ça a été rendu public, ça a été saisi par un acteur de la société civile qui a mis ça sur le débat, qui a été voir la FG, la MF, etc. C'est très intéressant. Mais les actions entreprises par Banktrack et Friends of the Earth, qui viennent de lancer un appel à signature intéressant, ouais, etc., c'est sans doute des acteurs qui, précisément, pourrait réagir de manière intéressante, voilà, à ces contre-rendus. Donc c'est une publication ex post, mais le lecteur de cette publication, ça va être des lecteurs actifs qui vont pouvoir réagir à ça et interpeller la banque. Et les banques sont intéressées par cette interpellation. Il y a des risques de réputation, il y a des choses, il y a des dialogues aussi qui se font, il y a des banques de plus en plus nombreuses qui entrent en dialogue avec Friends of the Earth, avec Banktrack, dans le cadre des Equator Principles. C'est des débats très intéressants qui affectent les innovateurs financiers. Quand on discute avec des gens qui financent des grands projets, il y a un guichou roche, il y a vraiment un truc vraiment... Un grand barrage. Un grand barrage, voilà. En Uruguay, c'est des gens qui, du coup, c'est des banquiers qui ont dû prendre la rue pour aller parler avec des syndicats d'indigènes. Ça fait un effet, on n'est pas la même personne. On envisage le travail et l'innovation financière autrement. Ça serait vraiment, je pense que ça pourrait vraiment donner. Parce qu'il y a des acteurs qui attendent que ça. Il y en a derrière la banque aussi, je pense. Je pensais en écoutant là sur les critères qui vont du septembre au mois septembre. La séance qu'on a eue il y a un mois au séminaire avec Sylvain Piron, de l'HESS, qui travaille sur le modèle des contrats de Pierre de Jean-Lévy du XIIIe siècle, et qui a traduit en fait ce modèle des contrats, et il nous a fait un exposé sur, au fond, un peu ça, la manière dont au XIIIe siècle, les rapports économiques ont été structurés par une vision surplombante, en l'occurrence la pied basse, mais que les canonistes de Bologne et les moralistes de l'école de Paris ont traduit en règles pratiques. Donc ils tenaient à la fois les aspects surplombants et en même temps d'encastrement des pratiques. Et je me disais que voilà, c'est un exemple qui illustre assez bien la pertinence de la décomposition de l'approche par une vision zénitale et par une perspective davantage d'ordre la vie courante. Benoît. Et au fond, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est surtout dans les principes moraux supérieurs, la police, la finance, et qu'on ne voit pas assez la vie courante. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, le régulateur passe son temps à dire que c'est pas la morale. On parle de déontologie, on parle de conformité, c'est très pratique, c'est... Mais dans les faits, il y a aussi son intention, par exemple. La question de l'intention de marché. La question de l'intention, si on l'a fait dans le fait, on est dans le registre de la morale. Est-ce que la personne a sciemment voulu distordre les règles du marché ou pas. Mais c'est un débat qui est complètement, on va dire, gommé par le régulateur. Alors même que c'est l'intérêt. Bon. Je suis d'accord pour dire qu'il y a, à la fois cette présence et cette déperdition du débat moral. Il est comme, je ne m'explique pas, est-ce que c'est l'influence une influence mécomprise par le régulateur français qui veut transposer des principes à l'anti-sol. De toute façon, on rigole beaucoup de la notion de biologie qui a été appris en France pendant des années. Bon. En même temps, chez nous, ça fait sens. C'est-à-dire que le sujet de la biologie est quand même très différent. Et les débats autour de justement, moral ou pas, c'est des débats aussi qui. Enfin, je pense qu'on peut vouloir trancher des débats ou simplement les laisser vivants. Je pense que c'est un débat intranchable entre l'ordre, la morale comme une sanction extérieure ou comme une pratique immanente. C'est une discussion, effectivement, je pense que, enfin, c'est pas ma spécialité, mais toutes les recherches qui peuvent être menées actuellement par des historiens de la finance qui vont plonger dans les débats théologiques, dans la querelle des universaux, des choses comme ça, c'est extrêmement pertinent. Et la notion de performativité aussi, elle arrive entre pôles, une vision très, des idées qui vont, une idée presque platonicienne de la performation, contre une idée plutôt immanentiste, deleuzienne, spinoziste. Je pense que c'est des débats très intéressants. Dans la pratique, c'est vrai que ça peut jouer des mauvais tours. Par exemple, si on a une vision vraiment très immanente de la responsabilité et on dit, je vais prendre un exemple un peu effrayant, un assassin peut être un assassin responsable du moment où il prend responsabilité de son crime. Il y a un assassinat, c'est tout qu'il a fait, c'est moi qui prends la responsabilité, je reviens à l'heure du temps. Voici un assassin qui exerce son métier de manière très, très responsable. Ça, c'est une vision très. Il y a plein de principes moraux qui disent non, on ne peut pas être assassin et responsable en même temps, c'est irresponsable. Pareil pour la finance, je pense que ça rend visible le fait qu'il y a une vision peut-être un peu pas cool. En même temps, quelqu'un qui innove, qui développe un produit financier dans le but de ramasser un maximum d'argent et le mettre dans sa poche, peut peut-être aussi le faire de manière, entre guillemets, responsable, aussi de dire, voilà, en faisant attention à l'état du monde après, et aussi en assumant que la traçabilité, en étant abondant dans son action. Non, c'est aussi la ligne de partage qui est un peu l'équité morale et rigueur. C'est est-ce qu'on peut très bien, par exemple, les Californiens ont fait ça, ils ont fait les Vice Funds. Voilà, il y a les fonds éthiques, les fonds ISR, mais nous on va investir dans les armes, non, ça marche très bien. On fait 15% aussi comme de taux sur l'assistant, comme tout le monde. Ça traduit une vision amorale, non morale, mais qui peut être une forme d'éthique si on accepte la vision, la distinction des termes proposés par les cas. C'est un vieux débat dans lequel je ne m'apporterai pas ici, mais bon voilà, c'est aussi une façon de voir les choses. L'éthique cynique de Diogène, c'est l'éthique cynique de Diogène. Voilà. C'est une éthique. Oui, tout à fait. Qui ne correspond pas forcément à la morale ambiante, mais de Diogène, tu dis. Oui, l'éthique Diogène, c'est le cynique, et dès que son éthique, c'est le cynique. C'est la vision éthique qu'on voit dans l'exécution de Deleuze, c'est celle de Diogène. C'est vrai, c'est. Justement, est-ce que ça ne pose pas la question de la. En fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 focus. 7 focus. Est-ce que ça ne pose pas ce que tu es en train de soulever, la question du fait d'avoir les 7 focus en même temps, tu vois, c'est-à-dire de ne pas être sur un seul truc. Le fait d'être responsable, c'est d'avoir ces 7 focus et d'avoir à l'idée cette multi. Et ça, c'est pas trop sorti dans votre. C'est un peu comme dans le papier de l'article de Imagine Powell sur les 3 isomorphismes, où ils nous disent finalement, voilà, il s'agit de ces 3 trucs-là. Mais quand même, dans la vraie vie, il y a un peu 2 ou 3, ça dépend. Bon. Je pense pas que ce soit tout à fait le fait de dire il y a 7 choses, les choses, et ça interagit, etc. Non, peut-être ça parfois ça interagit pas du tout, parfois c'est contradictoire. L'idée c'est pas une grille analytique, c'est plutôt un pluralisme des positions, c'est-à-dire que elles sont toutes possibles et certaines personnes vont pouvoir aimer certaines plutôt que d'autres. C'est plutôt une idée de pluralisme politique, il y a ces idées-là. On peut prendre parti et dire la 2 et la 3, c'est vraiment nul. Moi, je vote pour la 7. Mais moi, absolument moi, de donc peut-être pas. C'est d'avoir un dispositif qui soit tellement inclusif, qu'il puisse, qu'on puisse reconnaître un petit peu de chacun. C'était aussi la trace des débats qu'on a eus. Mmh. Comme on a dit, le dispositif, c'est une discussion. Et en fait, c'est 7 points, finalement, je pense que, mis à part les références, tout le monde est plus loin. On n'a pas non plus, on a favorisé l'échange et on a essayé de sortir des idées un peu rigolotes. Et on a essayé de laisser de côté les chorales de chapelle, notamment sur les points philosophiques. Donc c'est aussi peut-être pour ça que. Après, quelque part dans ce qui est présenté, si ce qui te plaît c'est le 2 et le 5, tu peux suivre 2 et 5 en faisant passer dans le comité de produit pour voir ce que ça donne derrière. Moi je suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça, hein. Enfin, parce que sinon on peut tomber sur des problèmes de type cynisme, etc. Si on va que sur le 2 ou pas sur le 5, je pense que ça nécessite de discuter les différentes. Mais on n'a pas un point de vue normatif, hein. Oui, mais même au niveau des pratiques. Moi, je ne crois pas que ce soit. Enfin, je crois que ça mériterait une discussion plus approfondie que ça. Que de dire que c'est un toolbox. C'est pas une toolbox. C'est interagir entre les différentes. C'est peut-être contradictoire. Ça nécessite des processus de décision collective avec une communauté d'enquête. Où est-ce qu'on prend décision, enfin, moi, je le dis comme ça. C'est vrai. Alors, c'est vrai que le destin de ce papier, il est ambivalent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une version pour. Le régulateur et l'autre peut-être qu'il faudra soigner celui qui sera peut-être à libre à la fin. Non mais je pense que c'est juste. Non, c'est pour cette remarque là. Mais cette remarque sur la boîte à outils dans laquelle qui correspond deux trucs ou un ensemble de comportements se rattachant à, c'est exactement ce qu'on a dans les pratiques dites d'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de gens, d'opérateurs aujourd'hui, qui vont adopter un certain nombre de comportements parce que c'est faisable et ça permet de donner l'affichage marketing, mais qui n'ont pas du tout embrassé la totalité de la question de la responsabilité avec toutes les composantes juxtaposées, vous avez vu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le régulateur, lui, par rapport à tout ce aux 7 points que vous mentionnez, le régulateur, il est un peu à out. En fait, le régulateur, il est juste là pour la continuité. Son souci majeur, c'est qu'il n'y ait pas de discontinuité par effet et d'effet domino. Le reste. Si, je pense qu'il peut jouer un rôle sur l'information, la compréhension de l'information. C'est ça la chaîne de valeur, juste oui, oui, l'information. Là, il peut jouer un rôle. Non, mais il peut jouer un rôle. Déjà, sa motivation n'est toujours que l'épargnant ne soit pas le. L'épargnant soit pas, la dissimulation d'information ne vienne pas arrêter le système. Ouais. C'est le premier point de vue, en fait, très fonctionnel. Voilà, on est dans un monde dans lequel ça fonctionne comme ça. Et notre rôle, nous, c'est ça. Ouais. Et le reste, nous la parole là-bas parce que. Oui, je parle. Moi, j'ai toujours une question. Donc, je suis auditeur de HESS et de PHE. Donc je suis aussi consultant en informatique de gestion. Et en fait, justement, par rapport à la transmission de l'information dans les projets en fait, de mise en place de nouveaux produits financiers, justement, en fait, je pense qu'il y a, un nombre de stakeholders qui sont très, très importants et qui dépassent en fait, simplement le cercle des décideurs ou des gens directement impliqués dans la conception du nouveau produit financier. Et notamment, justement, en fait, ce qui a trait aux systèmes d'information qui sont très importants dans le milieu financier. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas un intérêt, en fait, de la part des acteurs dirigeants de limiter, justement, la transmission de l'information. Certes, il y a un vernis, en fait, de vouloir instaurer une éthique communicationnelle. Mais moi j'ai constaté par exemple que dans la mise en place du fonctionnement de nouveaux produits financiers à travers les systèmes d'information informatique, les développeurs ou bien les consultants fonctionnels informatiques, si vous voulez, ont vraiment très, très difficilement accès à l'information centrale. Quoi. En tout cas, il y a vraiment un travail d'investigation à faire avant de comprendre réellement de quoi il s'agit. En fait, qu'est-ce que représente le nouveau produit financier. Et je me demande justement s'il n'y a pas une contradiction, en fait, si vous voulez, entre la logique des dirigeants, en fait, de ceux qui initient le nouveau produit financier, et qui ont plutôt intérêt, si vous voulez, à garder une certaine forme de réserve dans la transmission d'informations. et la mise en place opérationnelle du produit financier lui-même avec des acteurs qui doivent aller un petit peu à la pêche à l'information. Ça dépend beaucoup des contextes parce que chez un courtier, la masse salariale, informe des informaticiens et consultants qui bossent en interne ou en externe, c'est 50-50. En fait, parce que j'ai pu voir, il y avait un étage complet d'informaticiens et un étage complet de type qui faisait autre chose. Et les informaticiens chez un courtier, ils ont un flingue sur la tempe du manager. Parce que s'ils se cassent, si je peux m'exprimer ainsi, ça va pas. Et dans les comités de nouveaux produits, parfois, alors c'était pas partagé, je ne suis pas allé voir dans d'autres milieux, l'informatique est très très impliquée. Parce que c'est le nerf de la guerre. Donc oui, et en même temps, c'est ce qui est compliqué avec l'objet qu'on a choisi, c'est qu'il est, il est là aussi. Il n'y a pas d'existence autre que cette existence réglementaire qui dit ouais, il faut faire des procédures avec une signature. Et donc, en fonction des lieux qu'on regarde, on peut avoir des appréhensions très très diverses. Je pense que si vous voulez, il y a un moment, je trouve, même enfin, au niveau de. Il y a un moment, si vous voulez, au niveau de la direction de l'informatique, si vous voulez, ok, l'information elle reste encore assez transparente. Mais après, si vous voulez, donc là, il y a. C'est vrai que. Après, il y a une déperdition très forte. Quoi. Vous parlez des personnes qui on va dire, écrivent le code, par exemple. Pardon. Vous parlez des personnes qui écrivent le code qui écrivent pour les développeurs, mais il y a d'autres acteurs qui ont des profils comptables ou des contrôles de gestion, mais bon, qui se sont orientés professionnellement vers les systèmes d'information. Et là, si vous voulez, il y a vraiment il y a une opérativité qui est requise et qui empêche. D'avoir accès, si vous voulez, à une compréhensibilité de l'information. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi une volonté, si vous voulez, d'une gestion stratégique de l'information. Pour revenir à la question des comités de nouveaux produits, c'est vrai qu'il y a une hiérarchie interne à son dépend sur, par exemple, le niveau presque technocratique qu'on peut avoir dans la compréhension d'un produit financier, de l'opération, etc., des systèmes. Il y a des personnes qui vont savoir plus, d'autres moins. Et ceux qui savent plus sont précisément ceux qui ont le plus de pouvoir. Alors, dans les détails, c'est vrai que ces hiérarchies existent, mais actuellement, les banques, c'est assez compliqué. Parfois, ces hiérarchies ne sont pas celles qu'on pense. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer des situations, peut-être pas des produits, mais des situations dans lesquelles le pouvoir technocratique d'un back-office va être assez élevé. Il va pouvoir créer des retournements de pouvoir au sein de la banque. Le pouvoir de description comptable et financière des produits traités par le fonds peut être très important. Alors, l'une des hypothèses, c'est que précisément, parfois, les comités nouveaux produits ou les innovateurs développent des innovations qui ne sont pas comprises par les parties prenantes internes, c'est-à-dire par les informaticiens, par le BAC, par le fonds, etc. Et l'une des hypothèses, c'est que le test de vraiment mobiliser l'énergie pour expliquer à l'intérieur du comité nouveau produit à tout le monde en quoi consiste le produit va dévoiler le fait qu'il y a des gens qui étaient au top de l'information, qui n'avaient pas du tout pané à quoi ça servait le produit, comment il marche. Ça, c'est des choses qui sont courantes. Il y a des innovations financières. Et c'est pas les dirigeants qui la comprennent seulement, c'est personne, c'est juste le bonhomme qui l'a inventé. Et il a montré avec une courbe comme ça que ça va ramener beaucoup d'argent. Et voilà, tout le monde dit, bon, d'accord, on y va. Mais un exercice d'explicitation est un exercice qui ferait du bien même aux soi-disant top managers qui n'ont pas compris la nature du projet. Enfin, souris, le bac, les informaticiens, etc. Le président, l'ancien patron de. À l'époque, ça s'appelait Camion. Donc, je me demande si elle a dit qu'elle participait à la création de dérivés à la Société Générale en développement. Antoine Val ? Non, après. Un polytechnicien. Pareil, c'était en 1990. Quoi de maison ? Je pourrais dire que ce monsieur, après une carrière bien remplie à la Société Générale, a pris quelques années sabbatiques pour ouvrir un store en galerie. Et puis, Camion arrive. Enfin, ce type, on va développer une activité de dérivés, donc sans aller chercher, et à des trucs, etc. Et puis, bon, il y a eu la crise, et donc il a démissionné. Et il a dans une interview, il a dit, ben voilà, j'ai pris conscience que mon job consistait à signer des papiers que je ne comprends pas. aujourd'hui, je peux vous parler de ce que c'est qu'un C0, un ADS, un IDO, ce que vous voulez, mais c'est parce que j'ai vraiment pu faire un effort d'explicitation. Il n'y a pas d'explicitation. Il y a quelque chose du genre, j'ai dû regarder dedans. Mais voilà, c'est exactement comme ça que beaucoup de personnes se sont retrouvées piégées par l'innovation. Les acteurs indépendamment qui sont censés suivre les décisions de tout management, techniquement des rôles, non. Si c'est toi qui le dis, on y va, mais qui ne prend pas vraiment comprendre vraiment. C'est vraiment c'est un marquisseur. Pardon. Un marquisseur. Ouais, c'est un secteur en fait qui est très, très illustratif de. Si on imagine un dispositif qui. Merci beaucoup pour vos présentations. Non, on va pas essayer de le retrouver, mais vu que Moi, je me rappelle quand j'étais déjà en 87 au crack, au CCF, il y avait une perte sur des marchés de 40 millions de francs, c'était énorme. Le responsable de la salle des marchés, qui était un vrai technicien qui avait eu 13 heures avec Sénat, Finance Trésor, à l'époque j'en suis en Metz, il était très jeune, avait dit que c'était sorti piégé parce que les responsables financiers, ingénieurs, non produits, mais pas ça, les informaticiens, lui avaient garanti que par un système d'ouverture d'options, d'actions, ils pouvaient à tout instant être sûr que la position était contrôlée. Et en fait, lui, il n'avait pas vraiment vu ce qui se passait. Et après, la perte a dégoulé. Ça se passe un exemple de ce que. Bon, un tel travail, c'est intéressant et en tout cas indispensable. C'est ce qu'on appelle vulgairement le syndrome Fiddler, le syndrome de l'andouillette. Mais en tout cas, c'est vrai que l'idée, c'est qu'il y a des personnes qui doivent assumer des responsabilités parce que quand on lance un nouveau produit, les informaticiens qui développent le système de règlement de livraison qui va être adapté, ou le marchand de trading, ou le pricer, etc., sont des parties prenantes. Ils doivent prendre des responsabilités un petit peu de partie du comportement du produit. S'ils n'ont pas eu l'opportunité d'expliquer, de dire qu'ils ont compris qu'est-ce qui se passe avec ce produit, oui, c'est quand c'est quand il y a des problèmes, si voilà. Vous voulez, que là il faut ça nécessite d'aller à la pêche à l'information. Je pense que là, du coup, il y a des situations effectivement. Le top management ne peut pas faire que les gens, les petites mains, ne sachent pas ce qui se passe, pas où. Mais il y a aussi des situations où il est de l'intérêt de tout le monde, y compris le top management, que si on lance ce produit-là, les gens qui vont intervenir sont parfaitement au courant de quelles sont les implications. Et ces situations sont intéressantes. Mais c'est assez nouveau comme situation dans le domaine économique parce que j'ai l'impression que dans le domaine industriel, en tout cas, même un ouvrier spécialisé, il savait ce qu'il construisait. Enfin, il savait ce à quoi sa tâche contribuait. C'est impossible. Oui et non, c'est-à-dire en fait, ça dépend de la focale. Les années 80, même si c'est pas il y a si longtemps que ça, c'est quand même quelques temps et finalement, c'est la situation. Dans les industries, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du nucléaire, c'est des produits compliqués. Effectivement, il y a des dispositifs plus ou moins stabilisés qui permettent d'être sûr que tout le monde sait ce qui se passe. On peut, voilà. Et par rapport notamment sur le chantier, pour les risques, il y a des gens qui se sont accidentés dans les chantiers en France. Il faut savoir que la France a le taux d'accident le plus élevé par rapport à l'Europe et ils se demandaient pourquoi. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils ne discutaient pas entre eux sur la chaîne de fabrication. Quand on dit qu'il faut construire tel immeuble, il y avait celui qui faisait le projet, puis après on donnait, c'était séparé et tout. Et du coup, il n'y avait jamais eu de discussion globale sur qu'est-ce que ça allait impliquer, etc. Et je pense que c'est à peu près la même chose. En fait, ça permet d'avoir une vision très textuelle. Donc, l'un et l'autre, voilà, même ici, du problème. Finalement, la situation matérialisée au CCF, c'est aussi un problème de langage. Je pense que c'est probablement au moment où la science économique et financière a pris une. Pourquoi ? Parce que tous les textes qu'il y a eu sur l'histoire, le développement des années 70-80, où il y a la création d'un langage qui est peut-être moins accessible à certaines catégories. Et que ça circule moins, ça discute moins. C'est aussi avoir une approche processuelle sur le produit, que peut-être n'apparaît pas assez dans votre. Je parle de chaîne de valeur, c'est aussi sur l'approche processuelle, je vais attendre un peu. si tu as un approche processuelle avec tu reprends le temps, tu vas voir les différentes parties prenantes sur le. Du coup, tu vas pouvoir commencer à discuter avec le vendeur, l'informaticien, etc. Et ça, ça a été développé notamment sur les chantiers, dans le nucléaire aussi. Alors, bon, souvent, une question, je voudrais votre avis sur le domaine que je connais mieux, là, sur l'inflexibilité. Lorsque, par exemple, des universitaires aux États-Unis ont approvisionné des professionnels dans les banques avec des modèles dont on sait maintenant qu'ils étaient dangereux, voire faux, mais que les universitaires n'ont pas voulu changer leur modèle pour des raisons qu'on connaît bien en termes de paradigme et d'école de pensée, est-ce que ce serait plutôt, du point de vue éthique, une erreur ou une faute? Sur quoi genre du sang contaminé, lorsqu'on a fourni une chantier contaminé pour le sida, quelque part, le gouvernement de Trump est remonté au responsable. Voilà, dans ce qu'on entend aux États-Unis dans le discours, personne n'est remonté sur les phénomènes qui ont été à l'origine, je pense à l'église de KLB, les modèles qui ont conduit une église à sous-noter les risques, par exemple. KLB, c'est Macron, B, c'est Vazilchek, Vazilchek, modèle de 77, modèle de taux à diffusion moyenne. Bon, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui ressort? Alors, est-ce que c'est une erreur, une faute? En fait, il y a bien un effet réflexif. Je ne sais pas du tout comment aborder la question. Je serais assez partisan de dire que c'est un champ politique tellement monolithique et qui ne laisse pas de porte d'entrée, finalement. Il faut maîtriser quand même beaucoup d'éléments avant de pouvoir commencer à naviguer. C'est cet aspect accepté et monolithique de ce langage qui a été constitué et qui est très largement partagé. Parce que, tout simplement, le meilleur référent qui soit, c'est le chiffre. C'est probablement un des éléments d'explication qui justifie la non-mise en cause, la difficulté à tracer, à reconnaître celui qui. L'association des économistes américains, en début janvier, ont signé une charte éthique en disant qu'ils étaient responsables de la crise financière pour la première fois en 120 ans. Ils étaient partie responsable de la crise financière de Wall Street. Et c'est la principale association des économistes ont demandé une charte sur la responsabilité des économistes sur le marché financier en janvier. Ça a fait plein de presse, hein. Ce sont plutôt les financiers que les économistes, parce que les économistes n'ont pas eu tellement d'impact. Les économistes se sont perçus comme responsables en partie. En tout cas, ça a été mis à la table. Ils ont dit qu'ils allaient faire comme punition. En fait, ils n'ont pas fait une punition. Ils ont déjà reconnu qu'ils avaient des liens étroits, donc ils pouvaient être responsables avec toute l'école de Chicago, etc. Et ils ont dit, déjà, ils ont reconnu ça publiquement, en partie. Et après, ils ont mis à l'ordre du jour de leur assemblée générale annuelle de pouvoir mettre un code d'éthique, etc. Discuter, ça fait mal de presse. Ils se sont en partie responsables, et une partie, c'était pas eux. Ouais. En tout cas, c'est un moyen de réenvoyer sur la question de la formativité, du passage des paroles aux actes, de l'intention, de ce qu'on a produit quand on signe un code, etc. Alors, il y a des gamins en cours qui signent une charte de l'étudiant de mon école. Pour revenir à la question qui est, donc ici la configuration c'est différent, le producteur du produit c'est une université, le produit c'est une théorie mathématique qui se diffuse dans le monde de la pratique financière, etc. C'est une innovation aussi scientifique. Pourquoi ne pas imaginer que les universités puissantes, quand ils développent un modèle, ils le considèrent sous forme de comité nouveau produit. C'est-à-dire qu'ils font un débat sur voilà, quelles sont les implications de la publication de ce modèle, ça va aller dans les banques, est-ce qu'on est d'accord, on y va, etc. Et il y a une espèce de débat sur. En France, qui s'est passée en très violente entre Jean-Philippe Bouchot et Nicolas Carmi. Jean-Philippe Bouchot, dans la revue Paris Tech, je crois hier c'est lui Paris Tech, dans l'interview, avait déclaré que les mathématiques financières faisaient partie du risque systémique. Et Nicole Carreau, qui est la grande convoyeuse de modèles via le Symbolix, a réagi très violemment en attaquant sur le fait que les modèles que construisaient n'avaient pas d'effet social, ne faisaient que approcher plus ou moins la réalité. Et donc les deux se sont heurtés frontalement. En fait. Je le sais parce que je connais bien Nicole Carreau, ça fait des bouchons. Et c'est un exemple de ce que, justement, les universités en charge de ces modèles seraient-ils prêts à reconnaître que leurs modèles construisent? Pas sûr. Et pas sûr. Il y a un documentaire quand même intéressant qui s'appelle Points et la Genesis Wall Street, qui a été fait par des Néerlandais en 2008, et est accessible gratuitement et légalement sur Internet, dans lequel on voit Emmanuel Derman et Paul Villemont. Et Paul Wilmotte, à un moment, ouvre un bouquin qu'il a écrit où il a fait une sorte de oath aussi. Où il dit voilà, bon, vraiment, je m'excuse auprès de la planète parce que j'ai juste fait cette charte, cet engagement, voilà, ça rentre pas. Mais bah, j'aurais dû publier ça. J'aurais dû le diffuser, j'aurais dû effectivement, et ma responsabilité en tant qu'universitaire, pourvoyeur et producteur de modèles, c'est ce manque de publication. Donc lui, il a encore un point un peu différent, parce que finalement, le point de vue de Paul Garoui, c'est de dire il y a des outils, si après on met des mauvaises choses dans les outils, si c'est une base de données, ça va ressortir de mauvaises informations. Alors, elle dit presque ça, elle dit nos outils sont conçus dans une situation où le marché est normal, à l'État de faire en sorte que le marché soit normal. Ça veut dire. Dans le monde. On n'est pas le marché de faire attention à quand c'est pas normal, d'arrêter de s'en servir. Non, mais c'est pas sûr, oui. Et en fait, la position est là, elle est très difficile à défendre. Alors, Jean-Philippe Bouchon, lui, est dans une optique plutôt de modèle construit dans le monde environnement. Donc, c'est en ça qu'on déclare que les mathématiques financières font partie des risques systémiques. Parce que telle forme de mathématiques concevra tel type de pratique professionnelle. Effectivement, ça doit rapporter du bon produit sur les outils. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'avis ou d'opinion de connaissance sur ce monde-là, mais c'est vrai que j'aurais tendance à penser que. Même pour ces débats-là, qui impliquent des réflexions entre les universitaires sur les mathématiques financières, peut-être que ce qui compte aussi, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans les usages pratiques, qu'est-ce qui se passe dans les salles de marché, comment ces modèles, par qui sont utilisés, comment ces modèles sont justifiés. Je pense que la justification savante d'un modèle n'est peut-être pas la même que la justification d'un trader ou d'un ingénieur financier dans une salle qui va dire non, mais c'est pas parce que je crois ce que madame. Car oui, je fais ça pour une raison complètement différente, qui est aussi celle-là. Et peut-être là, il y a aussi des choses à croiser. Peut-être, enfin, mon impression, c'est que les praticiens de la finance, il y a de tout. Il y a des gens qui vont avoir une vision très cynique de la science, très instrumentale, où la science, ce n'est pas une technique pour avoir raison, c'est une technique pour gagner de l'argent. La science de la finance. Voilà, ils vont l'utiliser en étant très, très vigilant, très cynique, très diogénesque, très pas du tout valorisé. Et d'autres peut-être qui vont avoir une culture de la vérité scientifique, qui vont dire voilà, le marché est en train de faire ça, mais le marché est faux. Ce qui est vrai, c'est mon modèle, et voilà, parce que etc. Et son chef de salle va venir va lui dire écoute, non, le marché, c'est la réalité de ton modèle. On est en train de perdre beaucoup d'argent. Et toi, tu t'obstines parce que tu crois à ton modèle, mais c'est la réalité. Et il y aura les deux profils, je pense, qui sont intéressants à revoir dans la pratique. Le second profil est peut-être plus dangereux que le premier, je dirais. Je ne sais pas. Justement, dans quelle mesure, en fait, il y a interrelation entre le monde savant et le monde financier? C'est ça qui est un phénomène, ça va, qui est employé dans ce monde qui a été licencié. Non, oui, c'est une thématique très, très vaste. Je pense que Christian peut plus. Parce que j'ai l'impression justement qu'il y a un phénomène économique qui est employé dans une banque là, qui a été licencié, je crois. Et c'est assez, enfin, il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Un Indien. Je pense que la position de choses qui a été avec Merton dans le TCM, ça serait plus de 4 à justifier. Et après, elle a procès pour faute fiscale. Parce qu'en fait, Scholz, c'est peut-être qu'il a été. Il y a Thierry Foucault qui est à Chaussée, qui anime un séminaire à l'ENS qui se tient 2 fois par an, je pense. En partenariat avec le responsable de l'analyse par modèle. Ce responsable en question, c'est un type qui est ancien, qui travaille dans l'industrie. Je crois qu'il a bossé pour l'aérospatiale à une époque Et puis après, il a travaillé chez Exam, chez Chevaux. Et c'est assez rigolo parce que c'est un pur scientifique, mais qui a fait le choix de travailler pour plein de raisons dans une structure financière. Et qui arrive à conserver un peu les deux casquettes, c'est-à-dire qu'il produit la science appliquée, qui fait des modèles qu'on met dans les algorithmes et qui vont sur le marché, et en même temps, il a une recherche plus fondamentale, où il teste des choses, il fait des papiers, il publie aussi beaucoup des choses qui sont hybrides, c'est-à-dire à la fois de la recherche fondamentale et en même temps qui est vendue aux clients, qui ne comprennent rien, mais il y a quand même quelque chose qui est fait, avec des couleurs comme ça, les clients se comprennent quand même. Mais voilà, il y a quand même des gens comme ça. Et en un autre, c'est aussi Jean-Paul Debesse, par exemple, qui est un universitaire connu, économiste, qui continue de faire une activité de communication tout à fait classique, qui pourtant est patron d'un département de recherche économique. C'est le documentaire Inside Job, tout ça, qui met en avant le fait que les orientations théoriques sont parfois dictées par des volontés pragmatiques, en fait. Et c'est ce documentaire qui est très intéressant, Inside Job, qui fait plutôt le lien, par exemple, entre les visions mi-scientifiques, mi-idéologiques et le monde des régulateurs. Il ne va pas regarder ce qui se passe dans les gens, dans les salles de marché. C'est pas un problème, c'est un problème qui est remarquable. Il va regarder un faisceau de connexion entre le monde savant, le monde pas d'autre. Je pense que c'est intéressant de vraiment plonger dans la pratique financière telle qu'elle se fait dans les salles de marché. Même pour ces questions-là, la question de du rôle que peut avoir une théorie scientifique dans la formation de marché. Sur l'histoire des différentes focales qu'on tient à un coup. Ça m'a fait penser à l'article de Lorenzo Estan où ils étudient une salle de marché où on fait de l'arbitrage et où le chef de salle a sciemment fait en sorte que les arbitragistes changent de desk tous les mois ou tous les 6 mois, qu'ils ne soient pas assis de ceux qui font le même boulot qu'eux, mais d'arbitragistes qui ont des stratégies d'arbitrage différentes. Tout ça pour s'assurer que tout le monde peut utiliser justement les écarts qu'il y a entre la valorisation d'un actif aux yeux d'une stratégie et aux yeux d'une autre stratégie, pour justement jouer de ces écarts et du coup tirer un profit justement de ces écarts qui sont, quand on est un arbitragiste, finalement, ce qu'on cherche. Il y aurait peut-être, puisque vous cherchez à transformer le monde, des choses à réfléchir dans la fabrication d'un design conscient du type le dispositif, tout le monde joue chez ces écarts. Et c'est vrai que dans la réflexion sur l'apprentissage organisationnel, de ce genre de réflexion, la manière dont une institution est organisée, la manière dont elle c'est important. Les comités mots, c'est des rendez-vous, c'est des autres, c'est des réunions. Parfois, ça ne se passe pas, mais c'est intéressant de réfléchir à l'ameublement, presque à l'agencement, presque le matériel de ce genre d'habitude de l'organisation. Alors on peut continuer, on peut après on oublie, ou arrêter maintenant. Notre réponse est finie à 8h, mais s'il y a juste une dernière question. Non, mais on peut continuer jusqu'à 8h, mais sauf s'il y a pas d'autres questions. Mais... Moi j'en ai juste encore beaucoup. Enfin, non, mais... enfin c'est peut-être la dernière, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est justement des implications des modèles théoriques, dans les, compris donc dans, les, dans l'approche. Très pragmatique de la manière dont se fait l'innovation financière, est-ce que vous constatez une implication des modèles théoriques dans dans ces contextes très pragmatiques, ou alors si on est vraiment dans, dans la pratique. C'est pas le chantier sur lequel on est en train de travailler en ce moment. C'est un chantier passionnant, mais pour l'instant, enfin, ce projet-là, il s'attache. Enfin, c'est vrai que dans le projet qui nous anime en ce moment, il y a une question qui se connecte avec ce débat, qui est au sein de cette instance de considération de l'innovation en stade naissant, il y a un jeu de démonstration qui a lieu à l'intérieur du comité de l'entreprise. C'est-à-dire que plusieurs formes de simulation du comportement du produit vont être exhibées. Il va y avoir des calculs de risque, il va y avoir des calculs de gains, il va y avoir parfois, voilà, on voit plusieurs formes de modélisation qui vont être démontrées. On assiste à quelque chose qui est cher aux historiens des sciences, c'est les théâtres de la démonstration scientifique. Voilà, la culture de PowerPoint, et là, du coup, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'artefacts démonstratifs, des modèles théoriques, des modèles statistiques, voilà, des modèles graphiques parfois, simplement des dessins qui servent à créer une vision presque virtuelle de ce que va donner ce produit-là, etc. Et là, oui, ça c'est un véhicule de quelques savoirs qui peuvent venir de la R&D interne des banques, de la collaboration avec des universitaires, des choses comme ça. Donc, interroger, faire une espèce d'inviter le comité de produits à ouvrir un petit peu ces boîtes noires, ou aussi à multiplier les sources de simulation, ça c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi de dire que aucun modèle n'est parfait, mais peut-être si on met en concurrence un certain nombre de modèles, on peut avoir une vision un petit peu, un patchwork qui permet de voir un peu plus clair. Mais effectivement, les comités de nouveaux produits sont un théâtre de la démonstration scientifique aussi, de l'évolution de ces innovations. Ce qui en plus, ça rejoint la question de la genèse du savoir, parce que si tu regardes Dewey, sur la genèse du savoir, le pragmatisme critique un peu le système analogique. Parce que l'abduction, justement, c'est générer un nouveau savoir, et on dit que pour pouvoir générer un nouveau savoir, il faut vraiment aller à la pratique, regarder un peu la communauté d'enquête, et que le côté analogique, prendre déjà ce qui a été fait et essayer de reproduire, ça sur ce qui a été par rapport à nouveau. Je pense qu'il y aura peut-être quelque chose à chercher au niveau de l'abduction sur la question de l'analogie, ou la genèse du savoir via autre chose, dans un système abductif. C'est intéressant. C'est vrai que le côté très très... parce que désordonné de l'enquête collective qui peut être menée à l'intérieur d'un comité neurologique, c'est intéressant parce qu'il va y avoir des critères très différents d'une investigation sur le comportement d'une question d'une innovation. Il y a quelqu'un qui va dire je vous démontre le comportement de l'innovation en termes de gains potentiels. Il y a un autre qui va dire non, moi ce qui m'intéresse, moi je suis dans le marketing, je veux savoir combien de clients on peut avoir pour ce produit. Je vous démontre avec des stats qu'il y a juste un type qui pourrait acheter ça. Un autre va faire une simulation en disant voilà, si c'est un produit qui s'adresse à un de détail, nous avons utilisé la technique de simulation par focus group par exemple sur le comportement virtuel de ce produit et il n'y a pas de marché pour ça. Donc, il y a une espèce de plus la facette presque de plusieurs formes de simulation qui vont peut-être être confrontées au il y a des styles de démonstration différents. Et si le comité nouveau produit véritablement se transforme en un parlement de ces différentes formes de considération du comportement de l'innovation, ça peut peut-être aussi faire en sorte au lieu d'être aligné de manière un peu monolithique sur un seul style, seulement un seul style. C'est ça. Ça pose la question de l'abduction de l'innovation. C'est les vieux débats plastiques sur l'analogie. Ouais, mais je pense que c'est une vraie question. Si tu disais qu'est-ce qui est nouveau ou pas nouveau, je pense que la question de. Tu prends un modèle que tu as déjà fait, tu le reproduis en déclinant en minima. Enfin, ça me marche pourquoi il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. Et notamment, c'est plutôt un problème que là, moi, j'expose. nous, actuellement, on travaille avec deux collègues à HEC sur le problème de catégorisation des produits ISR. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent catégoriser le produit. Et du coup, on a un très gros travail à faire sur les critères. Parce que pour dire catégorie de produit, il faut commensurabilité, comparabilité. Or, il y a multiples philosophies, etc. Et du coup, je voulais savoir si vous, cette question des critères, d'évaluation du produit, c'est quelque chose qui est arrivé dans les comités ou c'est quelque chose qui est tout à fait secondaire? Bah, j'ai pas encore, hein, je parle que de ce que j'ai vu, donc à la fois dans un rolling marker, dans la marque de portage. Dans les deux cas, c'était un stade bien antérieur à l'élection. C'est-à-dire que, voilà, il y a un texte qui dit qu'il faut mettre une procédure en place, on a fait un comité, on se réunit, on discute. Voilà. Ce que j'ai pu voir en revanche, c'est dans le cas de. C'était déjà en 2009, donc les gens avaient commencé à dire finalement. Quand on ouvrait des marchés, on regardait tout ce qui avait trait au clearing, bien que ça demande, tout ce qui avait trait administratif, où il faut que le pays en question ait des structures robustes dans lesquelles on peut avoir confiance, etc. Donc moi, on m'avait demandé, l'organisation, ils avaient fait une grille d'analyse qui permettait d'effectuer des comparaisons entre institutions qui proposaient des services de clearing, justement. Et avec une notation de 1 à 5, et puis ça permettait d'orienter le choix retenu par le comité pour dire bah, finalement, on passe plutôt par, c'est pour le cas pour le marché éthiop, on passe plutôt par telle banque, certes elle est plus petite, elle est moins connue, mais elle est mieux organisée, donc c'est ainsi. Donc on commençait à voir, en tout cas dans ces lieux-là, des éléments de définition, hein, la catégorie c'est ça, mais c'était très très révolutionnaire. On peut se demander finalement si dans les hiérarchies d'instant des effets nocifs autour du produit financier, est-ce que le lieu où ça se passe, c'est plutôt au moment où on crée le produit financier dans une banque, avec l'aide des projets de collaboration et de collaboration scientifique, ou plutôt l'idée dans le lieu où l'idée germe est structurée, quand on dit une organisation scientifique plus que financière. Et là je pense, ce que j'ai appelé pour faire un métaphore au USB ou au citoyen, mais est-ce que le problème il était plutôt dans les instruments financiers, dans les produits créés à base de Ronien, plutôt dans les laboratoires scientifiques où on construisait à partir d'équations des possibilités de produits à base de Ronien? Sans compter, je pense au suprême, ce que tu as dit, il y a un peu plus de deux en fait. Et donc là, au fond, en termes de, je vois bien de l'intérêt très majeur de l'approche par la construction au fond d'environnement, donc personnalité, donc les 7 points, c'est vraiment ça qu'on cherche, mais je me demande si le lieu en tout cas est important, le lieu pour les financiers, mais est-ce qu'il y a aussi un autre lieu en amont d'où dérive ce lieu aval qui serait le comité de nos produits? Moi, j'aurais tendance à dire que ce genre de mise en réseau des lieux est intéressante, mais pas en forme d'aval et d'amont. C'est-à-dire, j'ai l'impression que sinon ça nous ramène à des. Par exemple, si on prend l'exemple de la bombe atomique, on peut parler du laboratoire de Los Alamos, de Oppenheimer, de Niels Bohr, de Einstein. Faire remonter la responsabilité jusqu'à Einstein, quelque part. Est-ce que c'est intéressant cet exercice? Il n'y a pas plutôt un rhizome de interresponsabilité, mais peut-être avec une centralité du lieu, avec plusieurs lieux, une topologie de lieux divers, mais avec une centralité des lieux où il y a eu un assemblage de tous ces éléments-là. Si on prend un produit financier, il y a des théories qui vont inspirer, il y a des capitaux qui vont l'animer, il y a des investisseurs, etc. Le lieu d'assemblage, on va dire, on prend ces ingrédients-là, on le cuisine et on le vend. Ça se passe dans la banque, c'est le comité de nouveaux produits. Et là, c'est un lieu, peut-être, c'est la cocotte, quelque part. Les ingrédients sont importants, mais la cuisine et le restaurant, pour prendre cette. Après, il faut pas blâmer le serveur, c'est vraiment, ça se passe dans la cuisine, je pense, en grande partie. Mais la cuisine est un lieu ouvert, il y a des ingrédients, il y a des théories, des livres de recettes. Les livres de recettes, c'est une bonne métaphore. Il y a le responsable de la boutique qui a écrit la recette, qui n'est pas le cuisinier. Je pense que voilà, il y a une géolocalisation des lieux. Après, à chaque endroit, moi je pense au moment, comme on est sur ce projet-là, je m'intéresse plus dans la cuisine. Est-ce que les comités de nouveaux produits se parlent entre eux? Tu as le comité de nouveaux produits? Alors, oui, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. Qu'est-ce qui se passe par exemple si. Entre différentes banques ou pour l'intérieur d'une banque? L'intérieur d'une banque et entre différentes banques, parce qu'il y a des comités de pratique. Entre différentes banques, à ma connaissance, les comités ne partagent pas. S'il y a un partage, c'est par les anthropologues. D'accord. Qui, traditionnellement, sont une petite communauté d'intérêt, on peut dire ça. Et vraiment, il m'arrive très souvent de voir des gens, comme moi, de l'anthropologue, qui, c'est un souci, ils appellent le problème chez HSBC, alors que j'ai une communauté dans un groupe différent. À l'intérieur d'une même organisation, là, le cas numéro 1, il est basé vraiment sur un comité qui est centralisé à Paris, avec deux exceptions, Londres et New York, parce que l'entité est suffisamment grande pour assumer elle-même le comité, mais donc des interactions qui entrent au sein même de l'institution. Plus intéressant, si jamais le comité de nouveaux produits dit bah, finalement on ne fait pas, on n'est pas d'accord. Là, forcément, le type qui a eu l'idée est général. Et nous, on avait instauré une procédure d'appel. L'appel, c'était pas nous qui. Ça remontait à l'étage au-dessus, ça passait en comité de nouveaux produits avec l'avant de l'assistance. Et donc, qui remettait, on va dire, qui réexaminait le processus d'appel. Ça, c'était un mode de communication, puis bon, après, il y a évidemment le reporting. Mais c'est à la seule, donc c'est pas intéressant. Le fait que, au ouais. Parti du groupe pour la terre, on disait, voilà, on est quelqu'un. Donc, ma réponse à la question, c'est plutôt non, mais ponctuellement, il peut y avoir des débats. Mais est-ce qu'il y a pas une piste à creuser, parce que collective calculative devices, collective, quoi. Est-ce qu'il n'y aura pas une idée à creuser en termes de communauté de pratique? Si on pense aux médecins, quand ils vont travailler, je ne sais pas, le centre Gustave Roussy sur le cancer du sein et le centre René Guénin, et ils vont travailler ensemble, bien sûr, ils sont en compétition, hein, même les médecins entre eux. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une idée d'arène, de communauté de pratique là-dessus? Oui. Je pense qu'il y a pas quelque chose. Je pense que la grande différence avec les médecins, c'est qu'on est dans un milieu, même si les médecins sont en concurrence, ils cherchent, en l'occurrence, il y a une finalité pour le coup, même s'il y a des aspects financiers et autres. Je ne suis pas sûr que le sous-jacent le culturel des institutions financières permette ça. Ça se passe en ISR. Les mecs sont en compétition et malgré tout, ils se retrouvent en comité de pratique et tu as même un friend of theirs qui débarque. Quoi. Parce qu'ils sont en train d'essayer de trouver collectivement une réponse à leurs problèmes. Donc je ne pense pas que ce soit peut-être aussi poussé que ce soit problématique qui est très précise où il y a des effets médias, réputation. C'est aussi peut-être parce que c'est un ensemble de personnes en quête de légitimité. Il y a aussi ces effets-là, vraiment, peut-être. Je ne sais pas, en tout cas, c'est peut-être c'est une question sur le sujet. C'est une question sur le sujet. C'est une excellente question parce qu'effectivement, la question se pose s'il est intéressant ou vraiment d'imaginer une forme de socialisation des comités de nos produits entre eux où il y aurait un dispositif de mémoire commune. Ils échangent leurs difficultés, sans forcément entre les comités de pratique, quoi, entre eux là. Un forum. Là, pour le coup, juste au niveau de l'institution, ça existait comment mais juste vraiment au sein de l'entité. Cette communauté de pratique, elle avait commencé à être suscitée par la création d'une base de données accessible à tout le monde. D'accord. Même les personnes qui n'avaient pas participé au comité, parce que ça n'était pas prouvé, si elles voulaient. Et ça allait même plus loin que ça, parce que dans le blog, il y a aussi la formation. Donc, normalement, quand une personne arrive dans une boîte, on a peut-être droit d'un exemple à être formé. Donc on lui rappelle dès le début, voilà, si tu veux connaître des choses, il y a ce lieu où il y a des choses qui sont écrites. Voilà. C'est interne à l'institution. Effectivement, on pourrait imaginer de diffuser ça. C'est ce qui manque un peu dans votre approche avec le côté collectif, quoi. Moi, je m'attendais que vraiment vous alliez traiter un peu ça comme votre balle grande. Et je trouve que c'est un petit peu mis de... C'est vrai que là, ça n'apparaît pas, c'est vrai. Le collectif, il est limité, pour l'instant, dans nos réflexions, à l'intérieur du comité. Ouais. Ça, c'est clair. En même temps, c'est vrai que cette opération commando n'est pas forcément une opération de recherche. On aimerait bien trouver le temps et les moyens de transformer ça dans le futur proche en une véritable enquête empirique, scientifique sur le comité de nouveaux produits. Pour l'instant, c'est une expérimentation le texte qui est en train de voir le jour, c'est un texte qui va être destiné à aller dans un journal académique, mais lu par des praticiens et qui n'avait pas. C'est pas un texte scientifique. le sens où... Mais je suis d'accord, mais si on reprend la responsabilité de l'universitaire sur ce qu'il dit, quand on dit à côté tout est calculatif, collectif, et qu'il y a une performativité collective, je pense que quand on parle de ça, on dit bon, qu'on ne peut pas le traiter, mais on peut le dire. Peut-être que ce n'est pas la chose la plus importante, cette histoire de l'acteur collectif. Des choses. Moi, je pense que, par exemple, dans les soucis qui animent la discussion sur une approche pragmatiste, matérialiste des pratiques, etc., il y a le caractère collectif, il y a le caractère matériel, il y a plein d'éléments qui sont intéressants. Ici, quelque part, on fait ressortir des éléments aussi qui appartiennent à cette idée-là, mais qui vont un petit peu dans une autre direction. Pour me référer un peu plus clairement à cette galaxie un petit peu de concept, je pense que, par exemple, dans les textes que Michel Gallon a pu écrire sur la démocratie technique, il y a des choses qu'on veut bien reprendre. Dans les choses que Bruno Latour a pu écrire sur la politique de la nature, il y a aussi quelques éléments qui nous paraissent intéressants. Donc c'est plus la sociologie des marchés qui prend le devant, c'est plutôt une autre approche. En fait, c'est vraiment que pour l'instant c'est un texte qui on a voulu retranscrire les débats. Après voilà, il y aura sans doute d'autres versions plus abouties sur un peu précis, sur des choses. On peut pas nous prendre. On est aussi obligé de lui donner forme, et même si c'est un peu artificiel quelque part. Détailler les vocales, détailler le test, passer les vocales en tête, comment ça donne. C'est aussi un moyen de fixer un moment dans un objet identifiable, restreint, un certain nombre de choses. Vous aviez ouvert aux critiques avant de. Non, mais c'est une réponse. Elle est peut-être acceptée au contraire. En tout cas, merci beaucoup de vous avoir laissé exposer cet objet un petit peu encore. C'est un bébé, il est tout polymorphe, il a à voir avec. La finance, l'éthique, la performativité, c'est la première fois où on discute, et je pense que c'est intéressant. On espère pouvoir vous associer aussi dans le futur à l'évolution de cet objet un peu étrange qui nous espérons, va aussi faire répéter. Donc, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant et bien dans la recherche à faire avec le séminaire, c'est de construire votre question et en fait discuter des séances. Voilà, dans un mois, on aura une séance sur plutôt la notion d'économie solidaire ou de bien commun pour voir ce que veulent dire ceux qui disent ce type de pensée avec donner des conseils du chercheur à Léonard Simon, qui a beaucoup de sentiments systémiques à partir. Et puis Léona Sida qui vient de publier un livre qui s'appelle Le Goût de l'eau sur la gratuité en économie, qui est enseignant, qui vient de conférences ici à l'Institut de l'économie. Bien, écoutez. Merci à vous. Merci. Merci. Thank you.